29 juin de l'année 2023. C'est la date où est produit cet enregistrement, donc en compagnie de Berthold. Donc, bonsoir Berthold, ça va bien? Oui. Donc, bien, tant mieux. Ici David au micro qui vous salue, peu importe l'endroit dans le monde d'où vous écoutez cet enregistrement. Ce soir, je voudrais aborder, entre autres, comme thématique, l'impact et la responsabilité de l'individu sur sa vie, à savoir à quel point un individu peut agir sur le réel versus le subir, à quel point le taux vibratoire d'une personne programme les événements qu'elle va vivre versus qu'elle est codée par les autres et son environnement. À quel point l'individu est responsable ou non des événements qu'il vit, de tout ordre, ça peut être de vivre un vol, un viol, la pauvreté, le moment de sa mort, ça peut être des événements un peu plus agréables comme un gain à la loterie, des gens qui vont connaître la naissance d'un enfant, la santé, la richesse, etc. Donc, à quel point existe-t-il de réelles victimes de programmation ou de réels créateurs ou programmeurs architectes de leur vie? Donc, c'est le type de question que je me pose ces temps-ci. Et pour aborder ce sujet, eh bien, je pense que ça va être intéressant là, d'en parler ensemble. Mais juste avant, je voulais procéder, comme à l'habitude, à quelques annonces en rappelant aux gens qui nous écoutent présentement que donc Berthold, que vous voyez à l'écran, est un YouTuber extrêmement prolifique. Donc, il a fait de nombreuses vidéos sur sa chaîne YouTube, dont vous allez avoir les coordonnées en bas de l'enregistrement. Vous pouvez avoir accès à une audiothèque se rapportant à Berthold, qui, en date d'aujourd'hui, comporte plus de 825 enregistrements en format MP3 que j'ai mis en ligne. Donc, c'est une audiothèque que j'ai créée il y a quelques années sur le site d'entreposage de données web qui est archive.org. Donc, vous pouvez y avoir accès gratuitement. Donc, plus que le temps passe, plus que d'enregistrements dans ma banque d'archives, peut-être qu'on va dépasser éventuellement le 1000 enregistrements dans les prochaines années, qui sait? Sinon, en fait, je trouve ça bien là, qu'il y ait quand même de vastes archives là, qui ont été faites à ce stade-ci, en lien avec les nombreuses productions vidéo de Berthold, que ce soit lui en solo ou en ma compagnie. Pour que les gens du présent ou du futur puissent bénéficier de tout ce matériel. Sinon, vous pouvez avoir également accès gratuitement à un peu plus de 680 enregistrements que j'ai faits au fil du temps avec de nombreux invités, que ce soit Marc de la Salle, Daniel Ménard, je pense à ce dernier qui a été l'intervieweur de Bernard de Montréal pendant de nombreuses années. Donc, il m'a accordé des entrevues que j'estime mémorables. Il y a également Jean-Luc qui est un Européen qui avait hébergé chez lui Bernard de Montréal et qui m'a partagé son témoignage. Donc, vous avez de nombreuses vidéos que j'ai faites au fil du temps avec différentes personnes là, qui ont gravité dans le domaine de la conscience supramentale, si je pense entre autres aussi à Charles Sabourin, aussi Richard Glenn qui avait interviewé Berthold de Montréal et d'autres individus, notamment des séminaristes des premières heures qui avaient fait le séminaire avec Berthold, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale ici au Québec et qui avait assisté à ses conférences alors. Donc, vous avez beaucoup de matériel. Il y a des enregistrements aussi que je fais en solo, donc qui sont entreposés dans cette autre banque d'archives en format MP3, donc encore une fois sur archive.org. Donc, vous allez y avoir accès là, en bas de la vidéo présente en cliquant là, sur un lien web s'y rapportant.

Parce que si psychologiquement la personne a moins d'identité, ben elle va être portée à l'imiter. Ou bien sans s'en rendre compte, même possiblement. Mais si elle a une identité réelle, puis tout, elle va parler par elle-même, c'est ce sera pas pareil, là. On peut pas faire pareil. Même on peut même avoir une révolte. Mais ça, c'est normal. C'est un peu comme les enfants quand ils deviennent adolescents. Faut qu'ils se révoltent contre les parents. Ils forment leur identité. Oui, ben, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient capables de distinguer qu'est-ce qu'ils conservent ou non des parents, là, de manière idéalement consciente, là. Ouais, mais ça, souvent, c'est pas conscient. Non, je Mais il y sais. a des choses qui vont mieux se faire inconsciemment que consciemment. Il y a les structures prépersonnelles, on peut pas faire ça tout consciemment, là. C'est sûr, mais Si l'ego interfère, ça nuit des fois. oui, ce qui veut dire que si l'ego pose par exemple la question intérieurement, bon, aujourd'hui, quand je vais prendre mon auto, est-ce que je vais avoir un accident ou non automobile? Si c'est un mouvement de curiosité de l'ego, ça se peut qu'il n'y ait pas la réponse. De toute façon, les vraies réponses, il faut que ça se manifeste quand c'est le temps, puis quand que ça sert. Donc, le mieux, c'est que la personne elle soit au courant que c'est possible, puis qu'elle reste disponible, puis qu'elle sache que c'est possible. Déjà là, c'est une prédisposition. Elle reste sensible. Puis quand c'est le temps, elle n'a rien à demander, puis elle va le recevoir, l'information. Oui, ça va être comme un logiciel autorégulé d'une manière automatique que si la personne est ouverte au bon canal de réception, elle va percevoir la bande AM ou FM, là, ouais. Ouais, ben parce que c'est un peu comme du monde qui ont faut qu'ils se prép ils vont parler en public comme faire un oral à l'école. Si tu y penses trop, tu seras pas bon. C'est là ceux qui finissent qui ont le trac, c'est parce qu'ils pensent. Oui, puis ils vivent du stress, puis là, des fois, c'est contre-productif parce que ça les paralyse. Ouais, ça en est un défaut des Ça en est un défaut, ce qu'on pourrait dire, des structures miroirs, parce que la personne, elle vit déjà son échec, puis elle se programme sans s'en rendre compte. Parce elle y pense. Quand tu penses à quelque chose, comme si tu le faisais. Oui. C'est pour ça que dans le temps, il disait le péché, là, admettons, là, que tu penses à une mauvaise action, là, ou c'est tout si pire que si tu l'avais faite. C'est sûr. Au niveau vibratoire, ça ne change rien. Si tu t'imagines en train de tuer ton voisin pour te déstresser parce que tu l'haïs, c'est au niveau vibratoire, c'est comme si tu le tuais, là. Tu sais, ça n'aura pas le même impact sur le système nerveux parce qu'il n'y a pas l'expérimental, mais il reste que ça revient à ça. C'est pour ça que les gens qui jouent à des jeux vidéo, qui tirent sur des silhouettes humaines, ça a un effet, là. Ben, certains vont dire que ça les amène à être désensibilisés par rapport aux meurtres ou les tueries de masse. Ben oui, puis même ça peut créer de la fascination. Puis au fond, ils ont un rapport avec la programmation, mais il n'est pas conscient. Ils sont pas aux commandes parce que la mécanique n'est pas intégrée. Ils se rendent pas compte comment ça marche. Mais quelqu'un qui comprend comment ça marche, puis qui sait ça, il peut pas jouer à des jeux de même, il sera pas capable. Parce que il reste que ça a une influence sur tout, là, le psychisme puis le système nerveux. Oui, ben c'est un petit peu comme quelqu'un qui va faire du théâtre, puis il devient tellement imprégné du rôle du personnage que si c'est un personnage qui a, par exemple, un état dépressif profond, ben il peut en venir à vivre cet état-là dépressif puis avoir besoin d'être Ouais. traité en thérapie pour ça. Ben, c'est pour ça que les meilleurs acteurs, c'est des malades. C'est des capotés. Les meilleurs acteurs, c'est du monde que je voudrais pas côtoyer, là. À un moment donné, je pense que il y avait du personnel sur un plateau de tournage, il passait proche d'une loge d'Anthony Hopkins, puis Anthony Hopkins, il jappait comme un chien. Ils sont allés le voir, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je me détends. Mais là, à un moment donné, c'est parce que c'est un fou, là. Ben, Tu sais, c'est comme Jack Nicholson, je voudrais pas côtoyer ce gars-là. Les grands acteurs, c'est souvent du monde qui. Il y a un lien avec un bon acteur d'habitude, un grand acteur d'habitude, c'est un capoté, là, entre guillemets. C'est du monde Ben, dans un sens, ça peut être des grands possédés par des émotions qui les manipulent. Fait qu'eux autres sont bons pour faire véhiculer l'émotion du personnage, mais c'est parce qu'à quelque part, sont, entre guillemets, possédés par des entités ou des forces qui leur échappent, là. Ben oui, puis c'est souvent lié au monde de la mort. Comme Sarah Bernhardt, qui est une grande actrice, puis bon, ben elle, il paraît qu'elle dormait dans des cercueils, puis il y a tout le temps un petit côté de même, là. Les grands artistes, il y a tout le temps un petit quelque chose. C'en est ça, de la programmation. Mais il reste que... Bon, il y en a, ils vont dire, ah, ben, il y a l'intelligence émotionnelle. Mais là, c'est pas de la conscience nécessairement. Bien, il y a des choses spéciales qui arrivent. Tu sais, si je pense entre autres à un des acteurs des films Rapides et Dangereux est mort d'un accident d'automobile. Tu sais, c'est comme les films portent sur la course automobile, puis il y a des collisions, des accidents, puis dans la vraie vie, le gars, il meurt d'un accident d'automobile. Ben oui, je m'en souviens de ça. C'est Paul Walker. Moi, je n'ai jamais écouté ça, ces films-là. Mais quand c'est arrivé, ça, j'ai obtenu l'information. Ben, je me disais, ben, il y avait cette vibration-là, peut-être. C'est là où on peut dire, mais c'est tout le temps inconscient, je veux dire. Mais là, s'il y avait cette vibration-là, est-ce qu'inconsciemment, il y avait une volonté de mourir dans un accident d'automobile? Ben, une volonté, jamais inconscient. Non, je Il peut comprends ce avoir que un tu veux dire. désir refoulé de Oui, mourir. exact. Mais la volonté, Non, une non, volonté, là, ok. Je vais pardon, être plus ben. rigoureux dans mon vocabulaire. Donc, on pourrait dire peut-être qu'il était habité par une pulsion de mort qui se traduisait en désir de mourir. Moi, puis le pire, c'est que, de toute façon, ça, c'est se laisser faire par de la programmation, puis il y a de l'inconscience. D'ailleurs, c'est pas lui qui conduisait, me semble. Donc, c'est quelqu'un qui se faisait conduire par sa programmation, puis il est mort. Mais, tu sais, c'est souvent comme ça. Puis même, on regarde, même je regarde comme des acteurs comme ça, qui étaient habitués à jouer certains types de rôles, soit qu'il va avoir une polarité totalement contraire, genre l'acteur, lui, il fait des rôles comiques. Puis dans sa vie, c'est quelqu'un de malheureux, puis c'est un... Ben Ou bien, oui. la personne elle joue des rôles de méchant, puis elle en fait, puis dans sa vie, pourtant, c'est quelqu'un de gentil. Ben, tu sais, les rôles comiques, quand tu dis ça, j'ai pensé tout de suite à Robin Williams. Le gars, il se suicide, puis il a interprété beaucoup dans des films des rôles comiques. Tu sais, si on pense à Patch Adams. Ben, moi, j'avais été obligé de l'écouter, Patch Adams, à l'école. OK. Puis j'avais détesté ça, puis moi, je l'aimais pas, cet acteur-là. Puis j'avais Fluff, c'était un cours, le prof, il voulait qu'on fasse une critique du film. OK. Puis là, moi, j'avais fait une critique dans laquelle je disais que j'étais tanné de voir cet homme-là dans des rôles de clown triste. Puis finalement, le prof, lui, il était en amour avec cet acteur-là, puis ses films. Puis moi, j'avais trouvé ça pénible. Puis. Il voulait que. Il avait tellement pas aimé la critique que j'avais faite, où je disais que j'étais tanné de le voir dans des rôles de clown triste, puis que je trouvais ça plus déprimant que d'autres choses, puis que bon. Qu'il voulait que je m'excuse. Allô? Puis là, j'avais dit de manger de la merde, tu sais. Moi, je sais pas. Bon, en tout cas. Puis même en me chicanant avec, parce que quand il m'avait dit ça, je voudrais que tu viennes t'excuser à toute la classe. Je dis, pourquoi la critique que j'ai faite, c'est pas toute la classe qui l'a lu, rien que toi qui l'a lu, je vais pas m'excuser à toute la classe. Exact. Même encore là, si c'est sincère que tu fasses une critique, qu'elle soit positive ou négative, il te laisse le droit de Ben, parole c'était normalement. supposé être ça, l'exercice de faire une Bon. critique, mais non, lui, l'exercice fallait être de son opinion. Puis, moi, bon, vu que ça marchait pas, dans le sens que moi, tout ce qu'il a fait, c'est que je suis devenu en colère contre lui. Puis, je me rappelle dans le chicane que j'avais eu avec lui, c'était un secrétariat à l'école, parce qu'il m'avait fait convoquer au secrétariat. Puis, j'avais dit, c'est même pas un bon acteur. Je te gage que c'est un maudit drogué puis qu'il va finir par se suicider ou crever d'une overdose. J'ai aucun respect pour ces gens-là. Puis ça, c'était Puis parce que j'étais en l'ironie du colère. sort, parce que toi, t'avais vu ça avant qu'il soit mort, là. Donc, Oui. plusieurs années après, on apprend dans les nouvelles que ce gars-là s'est suicidé. Ben oui, ben là, il y avait de la démence précoce. Mais c'est sûr, si tu prends plein de drogues pendant 35-40 ans, que ton système nerveux, il va être affecté. Puis Ça va ça se venir peut que nous tu fasses de la démence. prématurément, ouais. Ben oui, ou bien si tu te surmènes, puis tu fais des rôles trop physiques, puis tu t'entraînes trop, que tu as un mode de vie qui est trop changeant, puis tout, comme là, Bruce Willis fait de la démence précoce, pareil. Ouais. Bon, ben c'est du monde qui ont des modes de vie. Ils sont C'est pas Robin Williams. nécessairement sains, là, tu sais, quelqu'un, un acteur qui fait plusieurs heures consécutives de tournage. Tu sais, c'est très intense, ça peut être très intensif. Ben oui. Fait que là, on va dire, oh, c'est des gens qui se sacrifient pour l'art. Voyons donc. Ils regardent pas, on regarde pas le langage. C'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est que tu donnes de l'énergie pour une divinité, mettons. C'était ça, anciennement. Mais là, on est en train de. Il y a du monde qui sont. Ils se détruisent la santé pour un monde de chimères. Parce que c'est ça le cinéma. C'est pas réel. C'est de la fiction. Mais il reste que. Après ça, ils vont appeler ça des idoles. Mais c'était quoi une idole, anciennement? Une idole, c'était une statue qui sert d'intermédiaire pour une divinité pour envoyer de l'énergie. Ou ça sert d'intermédiaire en tant que forme dans le plan matériel. Donc, c'est tout astral. Moi, en tout cas, je l'avoue, la mécanique. C'est tout le langage repris par. C'est l'ancien langage des cultes antiques, c'est l'ancien langage de la magie, c'est Oui, l'ancien il y a langage. des transferts entre le culte religieux et le culte aux vedettes du Panthéon d'Hollywood. Ben oui, dans le fond, un artiste, c'est un prêtre de l'astral. C'est comme. L'autre fois, je pensais à mon père, je me disais, c'est vrai, mon père, il aimait pas les artistes. Pourtant, mon père, il avait une grande culture musicale, il était bon pianiste, il faisait du pastel gras. Mais il aimait pas les Mais je artistes. mettrais Ce qu'il aimait pas, c'était pas les arts, ouais. c'était les artistes. Mais je mettrais des nuances là, tu sais, dans le sens que je mettrais pas 100% de tout le monde dans le même panier là. Ben, moi, je parle de ceux qu'on nous met de l'avant. Oui, dans les médias de masse, c'est sûr que la plupart que je vois à TV, en effet, c'est du monde très astralisé. Ben, c'est tout le temps les pires. C'est un peu comme. Moi, je vois un parallèle avec comme la prostitution sacrée dans l'Antiquité, ces affaires-là. T'sais, pas dans le sens que je suis pas en train de dire c'est toutes des. Bon. Mais il reste qu'il y a quelque chose de lié à l'animalité. Puis les pulsions. C'est. Dans le fond, ils servent pour la catharsis. Comme dans le temps. Fait que ces artistes-là, ils vivent des émotions à ta place. C'est normal. Qui crève, je... C'est normal. Puis ils sont souvent liés. C'est du monde qui sont sensibles. Donc, ils sont faits. C'est comme Shirley MacLaine. C'est pour ça qu'elle tripait sur les esprits. Puis c'est sûr, ils baignent là-dedans. Dans le sens. Mais tu sais, je veux dire, beaucoup, là. Pourquoi que Hollywood, c'est en Californie? Ben, que la Californie, même avant que le cinéma existe, c'était une place de spiritisme. Il y a quelque chose de lié avec peut-être l'énergie du. C'est magnétique, là. Fait que toutes les places qu'il y avait beaucoup de spiritualisme puis de spiritisme, c'est sûr que plus tard, ça va devenir des places où il y a beaucoup de culture. Culture, ça vient de culte, puis il va y avoir beaucoup de. Des affaires comme le cinéma, puis mais en Ben, même temps, moi, il c'est paraît, là. c'est ça, une forme de continuité entre les deux, là, dans le sens que à travers les cultes, il peut y avoir une fuite dans l'imaginaire. Hollywood nous amène à fuir le réel en se réfugiant dans un imaginaire avec des artistes puis des idoles. Ben, c'est par l'imaginaire que tu contrôles le plan matériel. C'est ça de la magie. C'est pour ça que. Le Pentagone, c'est lié à Hollywood, puis la propagande, elle passe entre autres dans le cinéma. C'est juste, faut que tu viennes à bout de contrôler l'énergie avant qu'elle se cristallise en matière. Comme ça, tu contrôles le plan matériel. Ben oui, parce que celui qui a la capacité d'orienter l'énergie des masses, c'est lui qui contrôle la destinée des nations. C'est ça. Mais dans le fond. C'est quoi qui contrôle quoi? C'est là que ça devient plus subtil parce qu'il y a des programmations aussi collectives. Mais si je regarde juste la Californie, Ben, c'est de l'éphémère, dans le sens que moi, je pense qu'un jour, ça va, que ça n'existera plus, Hollywood, là. Ça durera pas 500 ans, ça. Puis, tu regardes les affaires de la Californie, dans les années 70, c'est là qu'il y avait le plus de tueurs en série. À mes yeux, il y a quelque chose de lié à l'énergie de la place. Puis bon, ça, c'en est de la programmation qu'on ne se rend pas compte. Mais il y en Mais a moi, j'aime. qu'on, ouais, à un certain niveau qu'on peut se rendre compte, dans le sens que le culte du nouvel âge, ça vient de la Californie, entre Ben autres. oui. Puis, dans le fond, moi, la façon que je vois ça, c'est que c'est un foyer de rayonnement, dans le fond, de croyances nouvelle âgeuses à caractère spirituel. Puis après ça, ça se diffuse un peu partout, dans les États-Unis, dans le monde. Ben oui. Même des gros foyers de l'astral, c'est des centres ben, comme tu vois la Californie. Mais t'as d'autres affaires comme tu sais, je veux dire, pourquoi dans le temps de la contre-culture, les jeunes tout d'un coup étaient bien gros attirés par l'Inde? Mais si. Ben, en tout cas, tu sais, c'est pas un centre. C'est pas civilisationnel au même titre que d'autres centres, là. C'est d'autres forces, là. Il reste que, bon, qu'on le veuille ou pas, il y a des jeux comme ça, dans l'invisible. Si tout était programmé, puis que c'était fixé dans le béton, il n'y aurait pas une guerre dans le subtil pour l'énergie, là. Pourquoi ça se débat tant que ça? Ben, c'est C'est parce parce que. que, ouais, c'est comme pas tout déjà fixé d'une manière rigide, donc il y a une forme de jeu. Ben oui. Il y a une guerre même, on pourrait dire. Si le tout pour le tout va être joué, ça veut dire qu'il y a un jeu. Mais en même temps, comme tu as déjà dit, on a quelque part à un certain niveau dans le futur, entre guillemets, déjà gagné. Dans le sens que la conscience va triompher tôt ou tard de l'inconscience. C'est juste un délai de traitement, un peu comme un délai quand on téléverse un fichier sur notre ordinateur. Oui. Mais ça va plus loin que ça encore parce qu'on n'est pas des ordinateurs. Dans le sens que on est censé devenir des techniciens. Et c'est là que je voulais t'amener à explorer un peu plus en détail la notion d'être son propre programmateur. Donc, Charles Sabourin, de ce que j'avais compris, avait fait référence à ça dans des vidéos. Toi, tu as fait référence aussi à ce concept-là. Donc, l'individu qui nous écoute, qui aimerait être l'architecte de sa vie, à ce moment-là, c'est toujours la question, qu'est-ce qu'il peut faire? Observer. C'est tout, hein? Parce que la façon dont tu agis va être liée à ce que tu vois ou pas. Fait que si t'es centrique puis t'observes. Mais c'est ça, c'est vraiment ça, là. C'est l'observation, c'est ça qui change tout. Ben, ça change ton rapport à l'événement, mais ça change pas. Ben, c'est intéressant. Est-ce que, parce que dans un sens, le fait de voir permet d'agir, Ben oui, mais. parce que si ça Ouais. change juste ton rapport à l'événement, ça veut dire qu'il y a un délai. Mais si tu observes réellement, tu changes l'événement, là. OK, mais si on le prend par rapport à l'événement choc d'accident automobile auquel je faisais allusion. Donc, quelqu'un qui est dans son auto, bon, si la personne observe qu'elle voit qu'elle est sur le point de frapper une auto, est-ce que ça peut faire qu'elle va dévier dans une fraction de seconde l'automobile ou qu'il va se passer quelque chose? Ben, oui, ça peut arriver, mais s'il y a vraiment beaucoup de présence, là, mais il va même pas avoir à éviter. Oui, parce qu'il va l'avoir vu venir encore plus lointain dans le temps que la fraction de seconde, là. Ben oui, c'est vraiment une affaire de délai. C'est-à-dire, le temps que l'information a se téléverse, comme tu disais, si ça se fait instantanément. Bon, ben là, c'est plus pareil, là. C'est-à-dire que c'est l'expérimental qui va prendre du retard sur ta conscience. Qui va être en avance, puis la conscience va avoir une préscience de l'avenir. Ben oui. Mais c'est dans le genre, dans le présent, c'est tout le temps une affaire de présent. C'est pas l'affaire de. Il y en a, ils veulent vivre le moment présent au point où ils ne voient plus l'avenir, puis ils comprennent plus leur passé, puis il n'y a pas d'intégration. L'affaire, c'est pas de comprendre au sens intellectuel, mais au moins de voir.

Il va y avoir des tremblements de terre au Népal, puis ces affaires-là, ça va tout tomber. Ça va être détruit un jour. Puis elle m'avait dit, pourquoi tu souhaites ça? Je ne le souhaite pas. Exactement, tu n'as jamais dit que tu souhaitais ça. Tu étais plus dans le Non. constat que ça risque d'arriver. C'est un petit peu comme un scientifique qui va dire, ben regardez, la Californie un jour par rapport à la faille de San Andreas, il va y avoir une partie qui va sombrer dans l'eau. Mais Donc. ça, je le souhaite un peu. Oh! Ben, franchement. Mais ça, c'est ma personnalité, dans le sens que je considère tellement qu'il y a de la pollution qui vient de là qu'on finit par psychologiquement. T'sais, je les aime pas, là. Il y a des affaires qui viennent de là, je les haïs. Ben, c'est le foyer du rayonnement du nouvel âge, ensuite d'Hollywood qui va mystifier puis corrompre les esprits de la jeunesse. Ouais, ben, c'est parce que moi, je vois beaucoup de. En tout cas, je vois ça comme ça émet de la pollution. La vraie, là, pollution. Puis, c'est sûr que la Californie, je souhaite pas que ça perdure de même pour toujours. Fait que là, oui, peut-être, là, je le souhaite qu'un jour ça soit détruit parce que je pense que ça va être, à un moment donné, ça va être salutaire. Mais juste les idées progressistes qui viennent de là, c'est progressistes entre guillemets, là, ils ont commencé à faire pareil en Colombie-Britannique. Puis le résultat, il a été instantané. C'est des centaines de milliers de morts d'overdose. Puis ça, c'est comme, c'est pas grave. Pendant des événements qu'on a vécu dernièrement, un mort, c'était un mort de trop, mais eux autres, on n'en parle pas, c'est pas C'est grave. deux poids, deux mesures en fonction d'un narratif officiel puis qui va faire en sorte que l'utilisation de la drogue a été entre autres banalisée avec le rayonnement de la culture hippie qui était très présente là, à la fin des années 1960 en Californie, où il y a eu de la californication, comme dirait une chanson de Red Hot Chili Peppers, là. C'est un jeu de mots avec fornication puis Californie, là, l'amalgame des deux mots. Ben, quand on regarde ça, puis même les aspects spirituels, puis tu sais, je veux dire, c'est de la fornication dans le sens que tu as un amalgame d'affaires qui sont incompatibles pour créer des chimères monstrueuses ensemble, comme les Mamas and the Papas, qui étaient des espèces de chrétiens hippies drogués, mais en même temps super spirituels, parce que ça devient incompatible. C'est des affaires qui ne marchent pas ensemble. Mais c'est ça, au fond, qu'on nous prône. Puis dans le fond, ceux qui vous comprennent un peu plus comment ça marche, puis qui ont décidé d'encourager des mouvements comme ça, de derrière des rideaux, eux autres, c'est ordo ab chaos. Mais ça, c'est du chaos. C'est comme le multiculturalisme puis la diversité. Mais c'est de la schizophrénie, ça. C'est comme. Je m'excuse, mais l'agenda LGBT puis l'islam, qui sont tous deux promus puis protégés par le multiculturalisme, ouais, mais c'est incompatible. Ben, C'est comme promouvoir du chaos puis des problèmes. c'est parce que c'est ça, s'il y en a une des deux polarités qui est très conservatrice, dans le fond, si on prend sur le plan religieux, des gens qui, dans le fond, vont être opposés à l'homosexualité, puis encore plus aux transsexuels, puis au genre fluide qui passe d'un à l'autre, puis l'autre au contraire, si on ouvre les horizons, puis au fil du temps, on ajoute des lettres, c'est sûr que cette polarisation-là va créer des tensions sociales éventuellement qui deviendront peut-être insoutenables là, dans certains pays. Ben, c'est voulu. C'est pas voulu par les gens qui servent d'antenne pour promouvoir ça. C'est voulu par ceux qui sont plus haut un peu, puis qui ont. Mais c'est orchestré, c'est un chaos planifié. Mais c'est clair que c'est de la schizophrénie idéologique parce que ça marche pas. C'est pas rationnel, justement. C'est de la rationalisation. Là, faudrait. Faut pas être islamophobe puis pas d'amalgame, puis les mêmes qui disent ça, il faut être pro transgenrisme, puis c'est parce que ça marche pas, là. Tu peux pas promouvoir tout puis n'importe quoi en même temps. Ça tôt ou tard, ça fonctionnera pas, parce que si tu l'appliques au réel, ça marche pas. C'est là qu'on voit, c'est de l'idéologie. Une idéologie, c'est un logiciel. C'est un logiciel de pensée. Mais moi, je pense que le but, c'est de créer du chaos. Vraiment. Ceux qui ont réellement le pouvoir, ils ont besoin du chaos. Divisé pour régner. Ben oui, comme là, possiblement, là, comme là, il y a certaines instances qui font tout pour qu'il y ait une guerre. Mais c'est parce que il y a d'autres instances qui en ont besoin. Toute leur structure économique est basée, dans le fond, sur le chaos. C'est-à-dire que faut qu'il y ait des crises pour après recréer de la croissance. Puis là, on est dû pour une grosse crise. Fait que là, ça va prendre une guerre après. Pour relancer l'économie. Ouais, mais le problème, c'est parce que c'est un jeu dangereux. C'est sûr. C'est un peu comme la roulette, là. Il y en a que. Moi, ce que j'aimais de la roulette, c'est que tu peux jouer juste noir ou rouge. C'est quitte ou double. Tandis que des gens qui vont jouer à la roulette russe, puis là on a Ouais. un conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais la roulette russe, c'est que tu as une chance sur 6 en tirant avec un revolver de tomber sur la balle, puis la Moi, chambre je qui est trouve ça chargée. encore pire qu'une chance sur deux noir ou rouge, là. T'as une chance sur deux. Ouais, toi c'est pire, une chance sur deux qu'une chance sur Ouais. six, là, c'est sûr, au niveau statistique, tu as raison, là. Parce que moi, c'était le même. Je me mettais un petit montant, puis là, comme j'étais intuitif un peu, ben je réussissais à le grossir, à le grossir, à le grossir. Mais à force de tout le temps remettre tout ce que j'avais à Ketodo, ben maintenant, je le perds. Tu sais, c'est pareil avec un système comme ça. Dans le sens que moi, je trouve ça dangereux. Mais il reste que on voit clairement qu'ils veulent. Ils font tout pour qu'il y ait une guerre. Mais il reste que je la considère comme du théâtre. C'est du théâtre pareil, mais comme toutes les guerres. Oui, exactement. Parlant de guerre, j'avais écouté il y a quelques jours, c'est un documentaire en lien avec la Suisse lors de la Deuxième Guerre mondiale. Puis il était question qu'ils ont resté neutres pendant toute la guerre. Puis ils ont vendu des canons à la fois aux nazis puis à la fois aux alliés. Ben Ensuite, oui. les rations alimentaires, les produits Nestlé qui viennent de la Suisse, ils ont vendu aux Américains, mais simultanément, ils vendaient aussi de la nourriture aux nazis. Puis c'est sûr qu'ils ont servi naturellement avec les comptes bancaires là, secrets à numéro suisse à ce que les nazis y aient des fortunes là, qui soient entreposées là, naturellement. Ben, les gens qui financent les guerres, c'est jamais ceux qui la font nécessairement. Dans le sens que si tu finances une guerre, il faut que tu finances les deux côtés. Celui qui perd va te devoir de l'argent, puis celui qui gagne va te rembourser tout de suite. Tu vas être gagnant des deux bords. Surtout si tu peux saisir les ressources de celui qui perd. Ben oui. Fait que c'était un peu comme bon, les Suisses ils recevaient des caisses de lunettes en or, puis des caisses de dents en or. Puis encore aujourd'hui, ils prétendent un peu comme ils ne savaient pas trop d'où ça venait. Ben oui, mais là, c'était comme évident, là. Mais il y avait intérêt, eux autres, à nier. Mais il reste que tu reçois une caisse de dents en or, là, de plusieurs kilos de dents en or. Voyons, c'est pas mal évident, là. Tu peux. Tu sais, il faut vraiment. Ça, c'est du monde, ils ferment les yeux. L'aveuglement volontaire parce que ça sert à leur intérêt. Ben oui, là on voit que le centre financier, c'est plus la Suisse, parce que la Suisse est plus neutre. Non, dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, là, ils ont pris parti pour l'Ukraine. Ben oui. Donc, ça veut dire que les banquiers internationaux, c'est plus la Suisse, là. C'est encore plus méta que ça. Mais je sais pas, est-ce qu'il en reste des. Aujourd'hui, un pays qui est neutre, il va immédiatement être identifié par les camps comme étant de l'autre camp. C'est comme si, admettons, je suis aux États-Unis ou au Canada, puis je dis, ben moi, je suis neutre, immédiatement, je vais être identifié comme pas fin, puis sur le bord de la Russie. Ben c'est ça, ils vont t'identifier comme pro-russe. Fait que là, on en retombe dans la polarisation que Ouais. le langage dualiste que nous avait servi George W. Bush. You are with us, sinon, ben vous êtes avec les terroristes. Soit vous êtes avec Ah nous oui. ou contre nous, là, tu sais. Ben oui, tandis que la polarité est contre tout le monde. Mais il reste que aujourd'hui, c'est encore plus grotesque, là. Mais ça veut dire, c'est une façon, c'est de la guerre psychologique, c'est une façon aussi de briser le moral. Donc, moi, je pense que c'est voulu que Joe Biden soit comme ça. Parce que c'est une façon d'insulter tout le monde, là. Ben, c'est Sauf quoi. les gens qui sont du même niveau vibratoire que lui, qui voient en lui une figure réconfortante, un peu comme un grand-père. Moi-même, là, je veux dire, moi, être un enfant, puis que mon grand-père il est perdu de même, je me sentirais pas réconforté, je vais me sentir en danger. Mais réconfortante dans le sens de zone de connu. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis que leur grand-père, ils perdent des capacités, sont sur le bord d'être Bon. séniles. Fait que là, ils disent, Là, c'est pas ah, supposé être rassurant. ben, prenons par exemple le cas d'une femme qui est battue, elle retombe sur un conjoint violent. Fait que comme c'est ce qu'elle a déjà connu par rapport à son enfance, si son père était violent, ben, elle va se sentir plus en sécurité qu'un homme qui ne l'est pas. Je pense qu'il y a des mécaniques encore plus subtiles que ça. OK. Il y a du monde que si tu leur enlèves leur souffrance, ils paniquent. Donc, bon, ça en est ça de la programmation. Mais des affaires comme Joe Biden, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est rire du monde au sens littéral, dans le sens que ça fait partie de la guerre psychologique. Puis, ils font exprès. Je veux dire, c'est comme Justin Trudeau. On le voit que c'est un épais. Je veux dire, n'importe qui a un QI dans la moyenne, il le trouve. En tout cas, c'est insultant. Mais il reste, ça fait partie de la guerre psychologique. C'est une façon pour le véritable gouvernement, qui est transnational, de te montrer qu'il gouverne tout. C'est pour ça que tu vas prendre des sous-traitants imbéciles, dans le sens que, admettons que tu es le propriétaire d'un grand hôtel, tu n'as pas besoin que tes serveuses, ça soit des génies, là. Tu as juste besoin qu'il y ait des. Bon, qu'ils soient jolis, puis. Qui paraissent bien devant la caméra, là, tu sais, si on pense à Trudeau, là. Ouais, mais si, admettons que c'est un peuple que tu vas encore plus au niveau de la guerre psychologique, l'humilier encore plus, ben là, t'es même pas obligé de prendre quelqu'un qui paraît bien. Là. Fait que là, bon, ça, tu prends quelqu'un comme Legault. Fait que ça, c'est comme le gérant d'hôtel, Roger Bontemps. Mais c'est une façon de montrer à ceux qui ont la capacité de comprendre qu'ils contrôlent tout. Ils contrôlent tout tellement que. C'est juste des mascottes, là. T'as pas besoin d'avoir des gens extrêmement compétents parce que c'est pas eux autres qui dirigent. Mais là, c'est bien subtil. Mais ça, toute personne qui pourrait être tentée de créer quelque chose, comme par exemple des chefs, des vrais leaders qui voudraient créer des soulèvements contre ça, puis tout, quand ils voient ça, c'est au niveau de la guerre psychologique, t'as l'impression que. Tu peux rien faire parce que ils sont même pas exploitables comme opposants. Ils sont même pas. Tu le sais que c'est des messagers. T'as pas accès au. Donc, quand tu regardes ça, t'as pas envie d'être leader d'une opposition de quoi que ce soit. Juste de t'opposer à ça, c'est te rabaisser. C'est du nivellement vers le bas, dans le sens que juste s'opposer à Justin Trudeau, c'est se mettre à son niveau, puis juste là, ça, tu perds de l'énergie. Puis C'est à pas ce intéressant. moment-là, est-ce que tu dirais que la critique de ces gens-là est vaine? Ben, moi, je pense que ça fait partie d'un jeu, puis que c'est fait pour détourner l'énergie du monde. Ben, Moi, je si. pense que ça donne rien de Ouais. critiquer Justin Trudeau, parce que même si au cours d'une conversation, tu lui démontres qu'il a tort, il va continuer à dire, ben, je suis pas d'accord avec vous, puis il va répondre des affaires qui sont en dehors d'une logique Puis rationnelle. il va revenir avec son logiciel de base. Il y a des phrases préfabriquées dans le sens que tous les Canadiens ensemble, nous allons passer à travers cette pandémie. Tous Donc, tu ensemble, sais, nous allons ça donne relever les. quoi Ouais. d'avoir un débat avec? Il n'y a même pas le niveau de débattre. Ben, il n'y a même pas le niveau d'écouter ce que l'autre dit. Il fonctionne en fonction d'une cassette, puis il va répéter les mêmes choses. L'un des aspects, des éléments qui fait en sorte que j'ai horreur d'écouter des débats politiques, c'est qu'en réalité, chaque personne fait réciter sa programmation. Il s'ajuste pas à l'autre, puis il n'y a aucun sens réel et respect de disponibilité à l'autre. Il n'y a pas de Non. présence. Donc, il n'y a pas de débat. C'est ça. Donc, autrement dit, c'est comme des coquilles vides qui font juste recracher un narratif, qui leur sont scriptés. Puis, il n'y a pas personne qui voit l'autre, puis ne se voit pas aller, qui ont l'air fou, donc ils continuent parce qu'il n'y a pas d'intégration, de métacompréhension, leur stupidité dans une situation de dino de con ou d'imbécile. Ben, parce que souvent, tu vas avoir des candidats, il y en a un qui dit carrément la réalité qui t'expose. L'autre va dire une autre, il va exposer sa réalité à lui. Puis les deux, c'est, je veux dire, c'est un peu comme quand ils sortent des chiffres. Ils n'ont pas les mêmes chiffres, personne. Exact. Mais là, bon, il peut pas y avoir de débat. Il ne peut pas avoir de communication parce qu'ils ne sont pas capables de s'entendre sur les mêmes paramètres. Puis quand on voit Ben que le oui. renouvellement, par exemple, du budget au niveau gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral, il y a tout le temps des guerres de chiffres alors que les chiffres sont supposés être objectifs. Ben oui, je veux dire, c'est rendu que oh, ça dépend de ta façon de calculer. Ce qu'on appelle la comptabilité Créative. créative. Mais la, c'est pas supposé être, exister, ça, là. Mais ça fait partie de la guerre psychologique, puis c'est une façon de briser le moral. Dans le sens qu'ils veulent pas, dans le fond. Pourquoi qu'ils ont tellement incité les jeunes à s'impliquer? C'est justement, c'est parce que il y a personne de vraiment compétent qui va vouloir s'impliquer. Dans la politique, tu parles? Ben oui, fait que ça fait un tri de nivellement vers le bas. C'est, moi, j'avais remarqué à l'école, c'est les plus naïfs, puis les qui s'impliquaient le plus. Dans, tu sais, par exemple, ceux qui faisaient des campagnes comme pour l'UNICEF, des affaires d'en même. C'était pas les lumières de l'école, là. C'était les plus superficiels, puis les plus que moi, je considérais comme les moins allumés. Parce que moi, quand on me donnait ma petite boîte de l'UNICEF à l'Halloween, ben, moi, je le disais, je dis, moi, je pose pas ça à l'Halloween. Tu sais, à mes yeux, les ONG, c'était des façons de détourner l'argent. Donc, je m'impliquais dans rien. Mais les gens que je voyais impliqués comme pour les droits de l'homme, les choses comme ça, c'était les plus idéalistes, les plus naïfs. C'était du monde souvent qu'il y avait des bonnes notes à l'école, mais il y avait pas d'intelligence. C'est au niveau de la conscience que ça marchait pas. Ils se rendaient pas compte. Tu te fais instrumentaliser. Donc, il n'y avait pas la capacité de voir, même s'il y avait des connaissances intellectuelles, qui a une bonne mémoire, par exemple. Ben, c'est parce qu'il y croit. Tandis que moi, j'y croyais pas. J'y crois pas à la bonté humaine, pas à ce niveau-là. J'y crois pas à la bonne foi des ONG, des organismes, puis des fondations de ci, puis de ça. J'y crois pas. Dès que tu prends le titre fondation, c'est pour des raisons fiscales. Ça Moi, si tu peut me être parles d'un ça, entre regroupement, autres. OK. Moi, je peux donner le bénéfice du doute à un certain niveau. Des gens peuvent être bien intentionnés là, au-delà de la fiscalité. Par contre, c'est sûr que je reconnais en lien avec toi, moi, essentiellement, ce que j'ai vu au niveau des organismes et des fondations, c'est essentiellement de la naïveté, là. Ben, dans le fond, tu sais, je veux dire, ben, c'est comme l'affaire de fondation qu'il y a eu. Ils ont choisi le terme fondation, mais je pense pour des raisons un peu de même. Puis d'ailleurs, bon, c'est souvent des gens qui vont être actuaires ou des comptables qui parlent des fondations. C'est du monde qui connaissent un peu les rouages. Mais il reste que, tu sais, je veux dire, je dis pas que c'est tout pourri, mais il reste que, ben, c'est comme un exemple, à un moment donné, j'étais à l'école, puis je passe devant une table, puis là, il y a des filles que je connais. Puis là, ils font signer une pétition pour. C'était des environnementalistes au Mexique qui étaient en prison. Puis là, ils faisaient une pétition parce que je ne sais plus trop c'était quel organisme international, que là, ils ramassaient des pétitions dans les polyvalentes au Québec pour faire des pressions. Je ne sais plus si ça avait rapport à Amnesty International, puis tout. Puis je regardais ça, puis je dis, c'est quoi, là? Ils voulaient que je signe ça. Je dis, pas question. Pas question. T'es possiblement, je veux dire, on ne sait même pas c'est qui tes deux. Tu sais, je veux dire, ils sont peut-être déjà dans des barils de métal enterrés dans le désert. Au Mexique, là, quand que, vraiment que t'es dérangeant, là, ils t'envoient faire une promenade dans le désert. Pis... Tu sais, moi, à mes yeux, ça pouvait être du théâtre ou une affaire de. C'était peut-être des agents de la CIA. Tu sais, je veux dire, je le voyais que c'était. Je disais, OK, ces deux environnementalistes-là, c'est quoi leur nom? Il n'y avait même pas leur nom. J'ai dit, tu veux que je signe une pétition pour faire sortir de prison du monde qu'on ne sait pas le nom, on sait juste, ah, oh, c'est des militants environnementalistes que le gouvernement a fait enfermer dans une cellule. Mais T'as pas le nom, t'es pas capable de me dire Ouais, je dans quel comprends. coin du Mexique, t'es C'est pas capable de ça. me dire c'est quoi les raisons, c'est quoi qu'il y a eu comme procès, Ça si c'est un procès fantoche ou peu importe. demeure très vague. Puis si on Toi, tu approfondit. t'impliques pour t'impliquer, tu sais même pas pourquoi. C'est ça. C'est la T'sais, naïveté qui est là. ben, il existe peut-être même pas. Voyons, puis il y avait des affiches, je me rappelle, il y avait dessiné des affiches, on voyait deux petits bonhommes avec des sombreros. Militant pour faire sauver les deux militants environnementalistes emprisonnés au Mexique. Parce que, ben oui, mais on s'est tellement fait bourrer le crâne, je veux dire, c'est comme. Non, non, moi, toutes ces affaires-là, Amnesty International, l'UNICEF, même enfant, je croyais pas. J'y crois pas. C'est comme à un moment donné, à l'école primaire, je pense, j'étais en troisième année, là, c'était l'opération Seine Noire, il fallait amener nos sous-noirs à l'école pour envoyer ça en Afrique. Je dis pas, moi, je me rappelle la prof, est-ce que t'as tes sous-noirs? Est-ce que t'as amené tes sous-noirs? Je dis, moi, mes sous-noirs, je les garde. Hey, le scandale. Le scandale que ça. C'était comme si je l'avais envoyé chier. Je dis, non, moi, mes sous-noirs, je les garde. Ben, t'as le droit. Ben là, c'est quoi? C'est une obligation? C'est quoi, là? Est-ce que je peux suivre à la trace où ils vont aller, mes sous-noirs? Si ça va réellement se rendre où vous dites que. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'argent numérique qui était traçable en temps réel. Mais il reste que des sous-noirs, c'est du cuivre, ça a une certaine valeur. Là. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, les sous-noirs valaient plus que leur valeur. Ben oui. Au niveau de l'argent, ce qui faisait que c'était comme plus avantageux de les prendre, de les faire fondre que de les utiliser pour faire des achats. Mais là, ça a été la séance de brainwashage pour me faire sentir coupable. Mais ça, c'en est du brainwashage, là. Du lavage de crâne. Puis c'est là. Tu sais, c'est comme dans le temps, comme les baby boomers, quand ils étaient enfants, là, ils achetaient des petits chinois. C'est la sainte enfance, là. Il y avait un calendrier sur le mur à l'école. Une espèce de tu sais, tel élève a donné tant pour son petit chinois, puis blablabla. C'est de la pression sociale, c'est de la manipulation, c'est du conditionnement. Et là, la programmation, puis la mécanique. Mais que ça soit par des gens plus ou moins bien intentionnés qui créent des affaires pour détourner l'énergie, ou tout simplement par des structures au niveau de ton âme, puis de ton psychologique, puis de ton intellect, puis de. Qui fonctionne en roue libre dans ta tête, ça revient au même. Sais, c'est pas se faire avoir, c'est pas juste dehors, c'est dedans. Oui, au niveau intra-psychique, puis aussi au niveau de ton rapport avec l'environnement. Mais c'est sûr que des fois, c'est drôle de voir les inversions de situation, dans le sens qu'autrefois, les gens envoyaient de l'argent pour acheter, entre guillemets, des petits Chinois, c'est-à-dire donner un soutien financier. Puis aujourd'hui, on a des Chinois qui, entre autres dans l'ouest du Canada, que ce soit la Colombie-Britannique, puis d'autres endroits, là, ben, tranquillement, ils sont en train de tout acheter le Canada, là, en fait, là, que ce Ben soit les oui. terres agricoles, les immeubles. Ben voyons, dans le fond, là, l'affaire de la Sainte Enfance, puis c'est l'Église qui, dans le cas moi, qui ramassait de l'argent sous prétexte d'aller évangéliser la Chine. Mais y a le monde, ils n'ont jamais compris que les Chinois, on n'a pas d'affaires à les évangéliser, c'est pas de nos calices d'affaires. C'est pas de nos affaires. C'est quoi ça, d'aller Ben, imposer c'est la ci, ça? volonté du prosélytisme religieux pour aller sauver leur âme. On va les Ben voyons donc. baptiser, on va en faire des Ben oui. chrétiens. Pour payer des chambres d'hôtel à des missionnaires qui vont aller abuser d'enfants dans le tiers-monde, Ouais, avec toutes c'est pas les. tous des pédophiles, faut faire Non, c'est pas attention. tout, mais il y a bien de l'argent qui est servi à ça. Il y a un des oncles à mon père, lui, c'était un franciscain, puis il était tout le temps en voyage. Il était l'espèce de trésorier, lui, de sa communauté. Puis il était tout le temps, là. En voyage, délégation à Rome, puis à Florence, puis il s'était là, puis il se promenait. Puis dans le fond, c'est l'argent que des fidèles donnaient à sa communauté qui servait à payer la chambre d'hôtel que lui, il couchait avec son chauffeur. Puis il voyageait, il y avait son chauffeur, puis dans le fond, Mais c'était un il faisait couple. ça pour le bien de l'humanité, Ben propager oui, c'est ça, la sa bonne bourrade. nouvelle un peu partout. La bonne nouvelle, là, si c'est la bonne nouvelle, elle va se rendre. Parce qu'il y a des volontés qui vont faire que ça va se rendre. C'est des programmes, ça va se rendre. Pas besoin de, tu sais, je veux dire, Et entre-temps, par contre, il va y avoir des parasites qui vont se mettre dans le chemin parce qu'eux autres, c'est des parasites, puis ils détournent l'énergie. Fait que notre énergie, il faut la donner à, tu sais, direct. Faut pas que ça passe par des intermédiaires. Faut faire bien attention. Mais il reste que, tu sais, c'est un peu comme... Il y en a bien qui ont de la misère à réaliser que dans certains États américains, il n'y a que des taxes, il n'y a pas d'impôts. Il dit comment ils font pour fonctionner. Ben, c'est parce que c'est toi qui n'allumes pas, qui cite, on se fait voler, puis voler. Parce que juste avec les taxes, ils pourraient faire 10 fois mieux que ce qu'ils font. Mais oui, mais c'est des pourris. Tant qu'on va être dans la bonne volonté, puis dans la... Tu sais, je veux dire, c'est le mythe de la bonté humaine, puis de la bonne volonté. On pense que les gens qui s'en vont en politique, premièrement, faut les encourager, ça prend beaucoup de courage. Et voyons donc. Voyons donc. Là, moi, de la façon que Ben, je il vois gagne ça, moins c'est... cher qu'au privé. Donc, quelqu'un qui est en politique, il gagne 200 000 alors qu'il pourrait gagner au-dessus d'un million par année. On, ben, Hey, comment ça qu'ils sont tous millionnaires? ça donne comme ça. C'est ça. Mais C'est il y en a parce qui vont que... dire qu'ils ont fait leur fortune avant d'aller en politique pour justement avoir la marge de manœuvre une fois politicien, s'ils perdent leur poste, C'est d'avoir parce un que le but, filet qui c'est les d'avoir attend. des connexions, puis c'est de là la collusion, là. Et là, la collusion. Dans le sens que quand tu te sers d'intermédiaire au niveau du public pour en prendre l'argent du public puis l'envoyer dans le privé, c'est sûr que tu as ta cote. C'est sûr qu'après, t'as un chum, c'est un chum, comme l'autre disait. Ça te revient, les retours d'ascenseur, puis au fond, là, je veux dire, il n'y a pas de hasard. Voir si c'est par bonne volonté que le monde va en politique. Quelqu'un qui est bien intentionné, d'habitude, il est idéaliste, puis il va pas en politique. Ben, ils vont dire c'est pas pour l'argent parce que quelqu'un qui est directeur général d'une entreprise va gagner beaucoup plus que s'il dirige un pays, comme le Ben oui, mais Canada, ça là. revient au même parce qu'après, avec les connexions qu'ils ont, ils ont des postes plus hauts dans le privé. Puis, je veux dire, on est bien naïf de penser que les salaires. Moi, je considère quelqu'un qui s'en va en politique, il devrait être surveillé au niveau de son niveau de vie jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je prendrais vraiment une transparence totale, là. Non, non. Tu sais, c'est bien de valeur, là, mais moi, j'ai vraiment pas confiance. Dans le sens que je le sais, que l'être humain, c'est un animal social, il y a un instinct de prédation, il y a une intelligence liée à ça. Puis, moi, je crois pas, là. Enfin, dans le sens que moi, c'est surtout l'affaire de... Si tu y crois pas, la programmation est moins effective, parce que ça marche entre autres à ce niveau-là avec de la croyance. Donc, si l'affaire, c'est pas non plus de devenir cynique. Mais au moins d'être réaliste. Parce que c'est bien dommage, mais. Non, en plus, si on regarde, si on fait une étude psychologique, par exemple, bon, les psychopathes, c'est de 3 à 5 % de la population. Dans quel métier ils s'en vont? Ils sont chefs d'entreprise, politiciens, policiers, médecins. À un moment donné, il y en a un que je connais, il est psychologue à cette heure, mais dans ce temps-là, il faisait des études pour devenir psychologue. Puis il disait, oh, dans les métiers qui ont le moins de psychopathes, il y a les médecins. J'avais dit, veux-tu rire de moi? Il y en a combien des médecins qui tuaient leurs patients, puis comme l'autre là en Angleterre qui en a tué 60 quelques, puis voyons là, les médecins qui font de la vivisection, puis... Les médecins qui expérimentaient sur des humains en Mandchourie. Ben, ça fait penser à l'histoire au niveau psychanalytique du chirurgien. Qui est très proche de l'abatteur animal, en lien avec la pulsion de mort qui va s'exprimer, puis le côté qui peut être sadique, qui a du plaisir à voir souffrir, qui peut se manifester dans certains cas quand que le gars il tue l'animal ou quand il tue l'être humain. Ben, c'est comme les infirmières anges de la mort qui tuent des bébés pour avoir de l'attention. C'est pour ça que, à un moment donné, l'affaire, c'est de ne pas être naïf. C'est tout. Dans le sens que je parle pas juste par rapport à l'expérimenter à l'extérieur, mais par rapport à soi-même, dans le sens d'au niveau de la façon dont on voit les choses. De ne pas avoir trop d'idées préconçues. Parce que moi, c'est rendu que plus la personne a l'air gentille, plus je me méfie. Tellement que. Parce que j'en ai trop vu du monde dangereux que c'est. En tout cas, même des fois, les gens inoffensifs d'habitude, ils ont l'air dangereux. Souvent. Mais les gens réellement dangereux, là. Mais il reste, c'est pareil dans toutes. Mais c'est pareil aussi, ben c'est les formes. C'est les jeux des formes. Ben, c'est comme dans l'art de la guerre de Sun Tzu, où il était question que si t'es faible, tu parais fort ou vice-versa. Donc, la personne qui est gentille, en réalité, elle peut être très méchante, mais elle camoufle puis utilise ça stratégiquement pour manipuler l'adversaire. Ben oui, mais c'est comme Machiavel quand il dit l'art de gouverner les peuples, c'est entièrement fait de dissimulation. Donc, si tu sais pas mentir, tu seras pas un bon politicien dans un système de même. Ça marchera pas, tu vas te faire discarter, ils vont se débarrasser de toi, ils te feront pas confiance. Si t'es quelqu'un en qui on peut avoir confiance, les autres politiciens te feront pas confiance, puis tu vas te faire tu vas te faire évacuer. Mais il reste ben, comme Sun Tzu, puis il y a Machiavel. C'est pas mal les deux qui ont le plus. Tu sais, je veux dire, quand tu lis ça, comme le prince de Machiavel, le cynisme, puis la naïveté, ben, la naïveté prend le bord. Parce que tu le vois que c'est vrai que c'est de même ça marche. Ben, des C'est. tactiques qui sont utilisées, c'est-à-dire utiliser les gens avec leurs instincts, leurs failles pour les manipuler en fonction d'arriver à un agenda. Ouais. Puis au lieu d'être dans l'idéalisme, comme par exemple Platon avec une civilisation où l'aristocratie est une chose idéale, Machiavel, au lieu de dire on va essayer d'amener les gens pour rehausser le niveau, on prend les gens où ils sont puis on les manipule à ce niveau-là pour se maintenir au pouvoir. Ben Machiavel, il prône pas une façon d'agir, il t'explique comment c'est. OK, c'est plus descriptif là, dans ce sens-là. Ben, il t'explique comment ça marche. Dans le fond, il a levé le voile sur ses comment c'est. Sans hypocrisie, là. Puis, en plus, il me semble qu'il avait dédié, le prince, il l'avait dédié à Laurent le Magnifique. C'est une façon de flatter la bête, t'sais, pour pas avoir de problème. Parce que ce qu'il décrit, c'est ça. Ce qu'il décrit, c'est lui. Dans le sens que c'est ces familles-là, comme les Médicis, c'est le même qui marchait. Lui, il leur explique pas comment ça marche. Il explique au grand public comment ça marche. Puis en même temps, il envoie des fleurs à ceux qui ont le pouvoir pour pas avoir des tapes sur les doigts. Mais il reste que quand tu agis de même, c'est tu prends des risques. C'est pour ça que c'est ambigu comme texte. Parce que tu regardes, bon, c'est comme Dante. Dante, il était forcé à l'exil, il a fallu qu'il parte de Florence. Mais c'est tout le temps pareil. Mais c'est comme Sun Tzu, lui, c'est pas pareil parce que c'était pas un livre pour le public tant que ça. C'est de quoi qui était resté. C'est pas tout le monde qui l'avait. Puis là, en Chine ancienne, les livres, c'était gros. Tu sais, je veux dire, c'était des plaques de bois reliées avec des cordes. Puis quand les généraux y amenaient, lors de la guerre de Sun Tzu, sur un champ de bataille, ça prenait une charrette là, pour traîner le livre. Fait que. Puis c'est pas tout le monde qui avait accès à ça. Puis c'était. Mais les Chinois, c'est pas la même mentalité, dans le sens sont encore plus dans le côté initié, dans le sens que les connaissances, c'est encore plus secret quelque part, puis c'est long avant que ça se disperse. Mais tandis que Machiavel, lui, c'est carrément n'importe qui, ben, que les moyens pouvaient l'acheter, là. Ils pouvaient le faire imprimer. Mais, tu sais, c'était pas. Mais tandis que, bon, lors de la guerre de Sun Tzu, ça a été longtemps quelque chose que on pourrait dire secret. Mais comme un paquet d'autres affaires, c'est une des affaires qui fait comme. Il y a des affaires de même que, en étant plus informé, puis en me rendant plus compte, ben là, je voyais que, comme les ésotéristes, il y a des affaires qui ça se tient pas ce qu'ils disent. Ça marche pas. C'est comme j'avais entendu, ben c'est Bernard de Montréal qui disait que les Chinois avaient découvert les méridiens en sortant de leur corps, en observant le corps énergétique. Puis par après, en m'informant vraiment là-dessus, en voyant comment que ça avait apparu, puis tout, puis là tu te rends compte que c'est certaines familles qui se l'ont transmis, puis même il y a des militaires qui avaient fait des expériences sur des animaux, puis sur des prisonniers. pour empiriquement trouver chaque point des méridiens, puis tout. Puis là, c'était un peu l'équivalent d'avoir découvert la bombe atomique, là. Fait que c'était secret, puis c'était des familles qui se transmettaient la connaissance, c'est vraiment de la connaissance. Là, tout d'un coup, je me disais, ouais, là, ça n'a plus rapport. C'est vraiment été étudié de façon empirique, puis établi de façon empirique. L'affaire de sortir de son corps pour observer, peut-être, oui, qu'il y a eu des phénomènes de même, mais techniquement, de ce qu'on sait maintenant, c'est pas ça qui est arrivé. Non, Là, exactement, c'est pas la cause principale. ben non, ça a vraiment été. Parce que c'était quelque chose de semblable aussi en Inde. Puis quand on regarde comme fou, tu te rends compte que aussi c'est empiriquement qu'ils ont compilé l'information. Là, il y a des espèces de bonhommes en bronze en Inde où il y a les méridiens, là, à peu près pareil comme les Chinois. Là, tu vois que ça se regroupe, là. C'est vraiment empirique, là. Ils ont découvert à peu près les mêmes affaires. Mais tu sais, c'est vraiment les Chinois qui ont été le plus loin, là, mais ils ont vraiment fait des expériences avec des prisonniers de guerre et des animaux. Je veux dire, ils ont agi vraiment scientifique, là. Puis c'était des secrets. C'était tout secret, ces affaires-là. Mais là, c'est pour ça que par après, je repensais à comme Bernard quand il disait ça, là, que oh, c'est parce que les Chinois, ils sortaient de leur corps, puis là, ils regardaient les corps énergétiques. Peut-être, oui, mais je sais pas. C'est un paquet. Il y a même des affaires que je pensais qu'aujourd'hui, je me rends compte que je me faisais désinformer par ma propre pensée. Fait que, tu sais, l'affaire, moi, je trouve l'affaire, la base, là, c'est vraiment pas croire. Si tu crois, ça veut dire que tu compenses ça veut dire que tu sais pas. Donc, avant de croire, on va au moins admettre qu'on sait pas. Mais Puis si encore on. faut-il avoir la transparence d'ego, parce que beaucoup de gens qui sont orgueilleux, puis comme la nature horreur du vide aussi, donc au lieu de dire que je sais pas, ben ils vont combler le vide en disant ah, je sais telle affaire. Ouais, ben c'est parce que la connaissance, c'est lié à de la compensation. Comme à un moment donné, Bernard, il dit, si le monde, Dans la ils sont croyance ou le soit, doute, là? Non? ouais, c'est parce que dans le fond, c'est parce qu'ils savent pas. Puis ça m'avait frappé. Faut le faire, ça fait plusieurs années de ça. Puis aujourd'hui, je trouve ça bien niaiseux, tellement c'est évident, c'est simple. Mais dans ce temps-là, c'était totalement. Ça m'avait. Ben oui. C'était une idée qui était ben, nouvelle. Ben, c'est parce que c'est pas le mode. C'est pas un mode de pensée réflexif. Dans le sens que ça. Dé... ça, ça... Déstabilise la réflexion. Ben, ça vient court-circuiter l'intellect. Puis ça le met à jour. Complètement. On a été conditionné à penser comme on pense. L'étude de voir ça, c'est pas de la réflexion ni de la pensée, c'est de l'observation. Mais au début, moi, ça me. Mais en tout cas, c'est un peu, on se déprogramme. On se déprogramme. Mais il reste que, même dans les balbutiements, tu sais, c'est un programme. C'est un programme au départ. Mais. Non, ça court-circuite la pensée réflexive, intellectuelle, mécanique, subjective. Parce que si tu crois de toutes tes forces en quelque chose, c'est une activité de compensation. Ben, la Ça. personne compense le manque de savoir. Ouais, puis c'est ça la connaissance, c'est de la compensation. Qui sera Non. camoufler l'ignorance du réel qui peut pas être interceptée par l'individu qui n'a pas la contenance. C'est ça, ben, on s'auto-censure pour se protéger. C'est un peu comme on parlait, là, les gens qui passent des pleurs au rire, là. Mais c'est comme dernièrement, il y a le professeur Kaczynski qui est mort, Théodore Kaczynski, qui était un prof de mathématiques terroriste. Il se serait suicidé en prison. Puis lui, je me rappelle, il y en a qui parlaient de son manifeste. Il y avait un manifeste où ce qui parlait la société de consommation, vers où ça allait mener. Puis je me rappelle, tous les journalistes ou les psychologues qui avaient étudié le cas, ils disaient, oh, c'est délirant, son manifeste. J'ai tellement entendu souvent ça que c'était délirant, puis tout, qu'à un moment donné, j'ai dit, je vais le lire, son manifeste. Ben, sais-tu qu'il n'y a rien de délirant? C'est pas délirant pantoute. Il t'explique que la civilisation est basée sur les activités de compensation, puis c'est pour ça qu'elle court à sa perte. Puis, très clairement, même si le bonhomme, il était un peu fou, dans le sens que, bon, oui, il a eu une attitude sociopathique, puis oui, c'est un danger public, puis OK, mais il reste que ce gars-là est bien plus intelligent que la moyenne du monde, pareil. Dans le sens que ça, c'est vrai ce qu'il dit. Que les activités de compensation, c'est la base de notre civilisation, puis que c'est pour ça que ça va, à un moment donné, la civilisation, elle va mourir. On va entrer peut-être voir une autre civilisation après, peut-être basée sur des structures un peu plus rationnelles. Bien, les Mais activités de compensation de la civilisation, c'est comme être en réaction par rapport à un manque de créativité ou un manque d'être. ben oui, ben, c'est qu'on est dans une mécanique de structure. On a la science de créer des structures qui détournent de l'énergie, mais on n'a pas la science de l'énergie. Et générer de nouvelles structures, donc être les architectes de notre destin. C'est parce qu'il faut être nous-mêmes la structure puis la source de l'énergie. Oui. Je parle au niveau de la Ben, conscience. parlant d'activité de compensation, ça me fait penser, j'ai eu une discussion avec quelqu'un en privé, puis la personne me dit, les États-Unis, dans le fond, comportent, vu que la façon qu'est faite la Constitution, avec le deuxième amendement par rapport notamment au port d'armes, puis la possibilité de citoyens de se révolter contre une tyrannie, lui, ce qu'il disait, que c'était une faille parce que c'était une forme de compensation en réaction au fait que, à quelque part, les Américains avaient vu dans le passé une forme de tyrannie, là, quand c'était l'Angleterre qui gouvernait avec la royauté, ils ont tassé ça. Puis en réaction à ce traumatisme-là de civilisation, ils ont créé le deuxième amendement pour pas que ça se reproduise. Mais comme c'est en réaction en lien avec un passé traumatique, c'est comme si ça crée une faille par rapport au fondement de la civilisation américaine qui, à un moment donné, ça peut les amener à sombrer. Moi, mais c'est parce que cet amendement dans ça, cet amendement, c'est basé sur l'individu. Comme c'est pareil comme pour le droit à la propriété puis tout. Le problème, c'est parce que des individus sont pas tous. Bien, ils sont pas tous équilibrés. Aujourd'hui, on se ramasse avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui vont aller dans des bazars acheter des armes automatiques C'est aux ça. Fait qu'à mes États-Unis. yeux, la faille est individuelle. Mais lui, ce qu'il disait, c'était collectif parce que c'est en relation un peu comme un enfant qui a vécu sous le féru d'un père tyrannique, disons l'Angleterre. Les Américains, eux autres, ont voulu se distancier, fait que se sont fait, ils ont fait l'indépendance des États-Unis. Puis se sont séparés de la domination, de la tyrannie de l'Angleterre, mais en étant en réaction par rapport à ça, ça a amené une faille dans la Constitution. Puis là, aujourd'hui, on se Moi, je vois pas ça ramasse. comme une faille. Ben, La ça peut faille, c'est être. tout le temps l'individu. OK. La faille, c'est parce que la Constitution a dit, bon, ben, on est égaux en droit, puis. Mais la nature est pas de même. C'est pas vrai qu'on est égaux. Mais non. Donc, si tu donnes le droit à tout le monde d'avoir un gun, c'est sûr que la faille, elle va être individuelle par rapport à ceux qui sont défaillants. Mais c'est en réaction à la peur que s'installe une nouvelle tyrannie, puis là, pour Ouais, pas mais qu'il y ait... justifier la peur. Mais Ben... justifier la peur. Mais juste pas délirant, là. C'est l'histoire du monde, les tyrannies. Oui, mais en même temps, ce qu'il disait, c'est que mettre trop l'emphase là-dedans, c'est comme un pas, un fondement viable pour une civilisation. Ben, ça. À mes yeux, de toute façon, une civilisation, c'est tout le temps, c'est jamais viable dans le sens où ça a une naissance, ça a un développement, puis ça a une décadence, puis ça a une mort. Une Mais c'est civilisation parce que viable, ça, c'est juste cet que ça. élément-là peut précipiter sa déchéance dans le sens que si on se ramasse Oui. à toutes les semaines avec Si tu l'enlèves aussi, des fusillades aux États-Unis, puis oh, des... ça, c'est parce que justement, il y en a qui servent du contrôle mental, tant qu'à moi. Quand bien même, juste le cave qui écoute des films puis qui devient obsédé, là. Tu sais, est culturel, la faille, il est pas technique, là. Oui, mais ça prend quand même des ampleurs importantes. Je caricature à peine en disant qu'une fois de temps en On temps, on voit coûte des pour fusillades dans ça. les écoles, puis... Admettons que tu es un tyran puis tu veux instaurer une tyrannie. Oui. Puis que la seule affaire qui t'empêche réellement d'instaurer une tyrannie, c'est le fait que ta population est armée. Là, tu vas te mettre à conditionner pour qu'il y ait des crackpots pour montrer une faille, justement. Là, après, tu te sers ça comme prétexte pour désarmer le monde, puis là, tu peux instaurer ta tyrannie. Mais avant, tu vas les appauvrir, créer un climat social de marde pour qu'ils soient Non, non, encore je plus faciles comprends. à C'est pousser. le manufacturing consent, là. C'est-à-dire, on crée le consentement social en manipulant les gens puis en laissant sciemment la situation se dégrader pour que les gens en viennent à vouloir une solution qu'à la base et auquel ils voudraient jamais acheter, là. T'sais, moi, je suis contre le port d'armes comme il y a dans certains États américains, que tu peux avoir une arme sur toi et te promener avec. Mais je suis pas contre le port d'armes chez vous dans ta maison, là. Il me semble que c'est comment je pourrais dire ça? T'sais, C'est c'est ça, mais tu long. sais, quand tu regardes, par exemple, moi, des fois, je partais à rire parce que je trouvais ça ridicule. Mettons, disons, par exemple, il y a une fusillade dans une école, puis les membres du NRA, National Rifle Association, vont dire, la solution pour que ça se reproduise, on va tout armer les profs. On va armer tout le monde au cas où quelqu'un utilise une arme. Fait que tu mets Ouais, plus mais d'armes pour... dernièrement, Oui. il y a des fusillades, c'est ça qui a mis fin parce que les policiers ne voulaient pas rentrer. Ils étaient dehors puis ils attendaient que ça finisse, ils avaient peur. Puis c'est des parents armés ou des professeurs qui ont mis un terme à la fusillade, c'est arrivé. Par rapport à ça, t'as pas tort. Il peut avoir une utilité à ça dans le sens que les policiers sont trop larges pour faire leur travail. Ben oui, ben je veux dire, les policiers de notre époque, c'est des. Ils ont le système nerveux. Regarde, en France, là, ils ont abattu un jeune de 17 ans parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur. J'ai vu des policiers qui disaient, les jeunes, ils n'ont pas d'allure, sont dangereux parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ben oui, mais c'est une civilisation. Ils ont été élevés dans la peur. Ils ont peur. Fait que là, c'est sûr que tu es dangereux si tu as peur. Parce que là, ça vient troubler le Le discernement. jugement, ouais. Donc, ce qui tue, c'est la peur. Toujours. Mais, ben non, moi, je trouve que d'avoir le droit d'être armé, c'est quasiment fondamental pour une. Justement, parce que il Mais, reste que ouais. les vraies tyrannies, c'est tout le temps la première affaire qui instaure, c'est de désarmer tout le monde. Que ce soit le shogunat au Japon, que ce soit les nazis, c'est tout le temps des premières affaires qu'ils veulent faire. C'est de désarmer la population. Une tyrannie, entre autres, ça va tout le temps être de même. Aussi, la surveillance. En Roumanie, il n'y avait pas de budget pour nourrir le monde, mais il y avait assez d'argent pour mettre des micros dans chaque appartement. Puis payer le personnel pour écouter tout le monde. C'est leur Ça, gestion des priorités. Parlant de surveillance, j'ai appris récemment que lorsque la France à Paris vont accueillir les Jeux Olympiques l'année prochaine, en 2024, eh bien, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour surveiller les citoyens via caméra. ah Donc, oui, puis là. Ben là, ils ont même voté, supposément que c'est passé. Ils vont avoir le droit d'activer tes caméras puis tes micros de cellulaire à distance. Mais il reste que ça sert juste de prétexte parce qu'après, quand les Jeux Olympiques vont être finis, ça va rester, là. Ben, c'est ce que j'ai entendu dans une capsule vidéo par rapport à ça. Ils ont dit qu'ils ont fait la même chose en Russie. En fait, c'est un événement de soccer qui s'est tenu en Russie. Ils ont dit, le temps de l'événement, on va utiliser cette technologie de surveillance, mais une fois l'événement fini, on va arrêter. Puis naturellement, ça s'est maintenu par la suite. Tout ce qui est transnational puis qui est apparu à partir de la fin du 19e siècle, c'est tout fait pour détruire. C'est comme Pierre de Coubertin puis ses Jeux Olympiques, là. Parce que c'est rendu que tu n'auras plus le droit à la vie, mais ils vont dire, ah, l'important, c'est de participer, comme il disait lui. Ben, t'as plus le droit à la vie privée, c'est surveillé partout, Ben là. non. La vie au sens littéral. Oh oui, puis ça continue, ça va en venir à ça. Il y a un sondage qui a été fait, il y a un Canadien, je pense, sur quatre qui serait pour qu'on euthanasie les itinérants. On a été conditionnés à aller de plus en plus vers ça. Puis c'est très insidieux. Mais toutes les cochonneries, là, genre la Société des Nations de Woodrow Wilson, les Jeux Olympiques avec Pierre de Coubertin, les prix Nobel, tout ce qui est transnational, c'est toute la même clique qu'il y a en arrière. Puis ça a été pensé sur très longtemps. C'est Puis qui est dans ce clic-là? Paulo, c'est lié à ta filiation d'habitude. Mais c'est les anciens, les premiers banquiers, dans le fond. Certaines familles. Donc, mais il reste qu'on voit une continuité dans le temps. Fait que, il reste que tout ce qui est rapport avec des événements internationaux, là, c'est tout le temps les mêmes, dans le fond, les mêmes forces qu'il y a en arrière. Puis ça va tout le temps aller vers plus de contrôle. Oui, c'est Plus la de. tangente que ça prend. Ben, c'est intéressant à voir dans le sens qu'en France, là, ce que j'ai vu, c'est que, dans le fond, l'intelligence artificielle va, par exemple, détecter des mouvements qui vont se faire proche, par exemple, d'une barrière, d'une clôture. Donc, s'il détecte quelqu'un qui est trop près, ben là, l'intelligence artificielle va avertir des êtres humains pour envoyer des agents de sécurité pour tasser la personne. Leur rêve, là, à ces gens-là, c'est d'un jour pouvoir t'arrêter pour un crime qui ont la prétention que tu vas commettre. Il n'y aura plus de présomption d'innocence. Ils ont commencé à rentrer ça dans le public d'une façon très insidieuse avec MeToo. La cancel culture. Mais un jour, ce qu'ils veulent en venir, c'est de dire, ben, par l'intelligence artificielle, on a déterminé que monsieur avait l'intention de commettre un crime, c'est pour ça qu'on l'arrête. Bien, on parle de pre-crime, si je ne me trompe pas, dans le film avec Tom Ouais. Cruise, là, où il anticipait que quelqu'un allait faire un crime, puis il t'envoie déjà le taux de police pour l'arrêter, là, avant qu'il le fasse. Ça, c'est la tyrannie totale. Parce qu'il s'agit que quelqu'un pense pas comme tu veux, puis tu trouves un prétexte qui est hypothétique. Puis tu l'arrêtes. Puis tu fais de la réflexion du réel. Puis c'est pas réel. Parce que là, il n'y a plus de présomption d'innocence, il n'y a plus de preuves, il n'y a plus rien. Tu n'as même plus à prouver que tu arrêtes qui tu veux quand tu veux. Rendus là, sont aussi bien carrément de déclarer ben, c'est la dictature, on a le droit de vie puis de mort, puis c'est nous autres qui mènent, point. Qu'il y a autant de niaisage pour en arriver à ça. Mais on est dans une dictature douce ou larvée pour favoriser le consentement, l'adhésion et même les gens réclamaient ça. Je suis pas mal sûr que en France, il y a des gens qui, dans les prochains mois, là, il y a des manifestations dans les rues, il y a des casseurs, ils vont dire, bon, on est bien content qu'aux Jeux Olympiques, il va y avoir de l'intelligence artificielle qui nous surveille parce qu'on est menacé par des manifestants potentiels agressifs. Le monde, ils comprennent pas que, comme là en ce moment, il y a des émeutes en France. Ils comprennent pas que quand tu fais ça, tu aides le pouvoir. Tu leur rends service. C'est ça qu'ils veulent. Ordo ab chaos. Pourquoi ce jeune-là de 17 ans qui est abattu par les polices a été tant relayé par les médias? C'était pour créer ce chaos-là qui est voulu, puis qui va servir de prétexte pour toutes sortes de mesures. Ils sont super contents, là. Donc, la Plus ils mort du brûlent jeune des enfant autos. est instrumentalisée à un agenda qui dessert le collectif. Puis eux autres, en parlant, il y en a des idiots utiles qui doivent être naïfs en disant c'est pour la justice sociale. Ben oui. Puis c'est par la. C'est tout le temps le contraire que ça va t'amener. Les fameux justiciers de la justice sociale, c'est eux autres qui sont en train de servir d'instrument pour détruire la société. Fait que là, plus tu fais des émeutes. Plus que tu y brûles des autos, plus qu'il y a de la violence, plus que les gens réellement au pouvoir sont contents. Parce C'est que ça qu'ils cela veulent. permet de créer l'acceptabilité sociale pour l'intelligence artificielle qui contrôle, reconnaissance faciale, reconnaissance d'usage, puis probablement l'implantation d'un système analogue à la Chine, là, éventuellement en France, puis dans les autres pays occidentaux. Ben, la Chine, il faut faire la différence entre la Chine réelle et la Chine qu'on nous vend. OK. En ce moment, il y a des coins de la Chine, les gens sont plus libres que nous autres, là. Ils ont un accès à la propriété qui est moins pire, qui est moins dur. Le coût de la vie est pas mal moins cher. Il y a certains coins de la Chine, là, de certaines campagnes, c'était bien mieux là qu'à Montréal, là. Ça se Oui, compare même pas. tu as raison. C'est ça, j'ai fait une généralisation parce qu'en effet, c'est pas toute la Chine qui est sous Ben l'empire non. du système du crédit social. La Chine qu'on nous vend puis qu'on essaie de nous faire peur avec, elle a été financée puis elle a été voulue de même. Mais il reste que. C'est pour ça que l'affaire. Moi, je veux dire, aujourd'hui, les médias, c'est de l'information. On est dans de la fiction, là, en grande partie. Dans le sens que ils écrivent un scénario, ils le mettent en place, ils le mettent au. Puis ils le filment, puis après, ils le rapportent comme des nouvelles. C'est pas parce que ça arrive que c'est réel, là. Si moi je décide de créer un événement pour qu'il passe aux nouvelles après, ça revient au même que de la fiction, c'est juste qu'elle est en temps réel pour te l'impose. Mais c'est pas. Dans les dernières années, ben depuis que je suis enfant, j'ai vu. Avant, t'avais les nouvelles. Après, t'avais les arts et spectacles puis les sports. Aujourd'hui, c'est tout mêlé ensemble. Puis c'est des choses tellement pas importantes qu'on nous parle. Comme là, il y a eu la couverture des feux qu'il y a. Moi, j'ai une de mes tantes qui est à Toronto. Elle a me dit à Toronto, ça sentait le caoutchouc brûlé. À croire comme s'il y avait incinéré des pneus. Mais ici, dans mon coin, d'où émanerait là, la majeure partie de cette fumée-là, ça sentait pas ça, ça sentait le feu de bois. C'est dans les grands centres que ça sent des. Donc, la couverture des médias, en plus, j'ai vu plein, plein de monde en parler. Qu'il y a des places comme Montréal, ça sentait le plastique brûlé. Toronto, ça sentait le caoutchouc brûlé. Puis, il y a plein, plein de monde qui en parle, mais les médias, ils en parlent pas là, de ça. Qui m'explique comment ça se fait que la fumée, ici, elle sent le feu de bois. Puis, en se rendant à Montréal, elle sent de plus en Ben plus là, le. faudrait voir, quelqu'un pourrait dire, ben, c'est des événements anecdotiques. Peut-être que le gars, il vivait à côté C'est d'un loin d'être voisin qui faisait anecdotique. brûler des pneus ou des cochonneries Non, non, avec. le smog qu'il y avait dehors. Je parle, c'était généralisé, là. Puis là, en plus, on sent qu'il s'en vient peut-être une guerre. Puis là, depuis les alentours des années 1900, il y a des machines à fumer qui sont faites pour. C'est pour créer un écran dans le ciel Oui, qu'après ben on a l'application, ils ne les voient pas. chemtrails qui sont produits par des Ouais, avions, mais les c'est pas ça que tracés. je parle. Ah, Ce que je parle, c'est de la vraie fumée là, qui OK. part du sol. Puis ça crée un écran, puis c'est pour que l'aviation voit pas ce qui se passe au sol. C'est ça, c'est vieux, là. Ça existait avant les chemtrails, là. OK. Puis ça marche avec, si je me souviens bien, je pense que c'est carrément au kérosène. Mais il reste que. Là, il y a des tensions, là. Comme s'il s'en venait une guerre, puis tout. Puis là, il n'y a pas juste ça. Là, je commence à voir du monde quand il y avait qu'on voyait rien, là, que c'était à cause du smog, supposément, puis tout. Là, ils entendent des affaires militaires. On les voit pas. On les voit pas. Tu sais, il y a quelque chose, là. Mais l'affaire que la boucane qu'il y avait à New York, à Montréal, pas à Toronto, que ça vient des feux de forêt ici, j'y crois pas 2 secondes. C'est que ça a clairement pas rapport. Ben moi, j'ai de la Puis là. difficulté à comprendre comment ça, puis j'ai vu les photos, puis même sur Radio-Canada, là, tu sais, sur des instances publiques où ce que c'est très orange, opaque, à New York, là, entre autres, Oh. là. Puis là, tu te dis, OK, de la fumée comme ça, orangée, au Québec, qui est supposé être le lieu que ça provient, au nord, j'en ai pas vu comme ça, là, dans le nord du Ben, Québec, là. c'est pas la fumée qui est orange. C'est la lumière. Ce qui arrive, c'est que dépendamment les particules que tu as dans l'air puis leur densité, ça réduit le spectre lumineux. OK. Donc, si tu réduis le spectre lumineux avec certaines particules à un certain niveau, là, ça va être orange. S'il y avait eu encore plus de particules, là, Mané serait venu rouge. Si on voit les mêmes phénomènes. Tu sais, je veux dire, tu as des phénomènes là, astronomiques liés à les longueurs d'onde de la lumière. C'est juste, c'est la lumière qui est orangée. C'est comme quand le soleil se couche. Ça commence, ça devient de plus en plus orange, puis à un moment donné, ça devient comme rouge, rose. C'est la longueur du spectre lumineux, tu sais, ce qui se rend. les longueurs d'onde de la Donc, le lumière. spectre lumineux aurait fait qu'on aurait une perception orangée là-bas plutôt que ici. Mais pour que ça soit orange de même, il fallait qu'il y ait énormément de particules dans l'air. Au point là, de rendre orangée la lumière, là, que t'as le soleil il est en plein ciel, puis on est en plein jour, puis Mais c'est c'est ça, c'est orange que ça comme veut dire s'il y que ça avait un serait coucher de plus soleil. dense que le lieu d'où originent les Ben supposés oui. feux qui ont mené ça. Or, logiquement, le foyer qui devrait être plus dense, c'est ce que ça provient normalement. Ben oui, moi j'ai pas vu de. Parce J'étais vraiment derrière que. les feux, là. Okay. Tu Parce que sais, j'étais normalement, sur des grandes autour. distances, ça devrait être dilué un peu, là. Bon, puis, tu sais, je veux dire, il y avait. Ici, il y avait tellement de fumée une journée, là, qu'on avait de la misère à voir l'autre bord de la rue. OK. Mais la lumière était pas orange, puis ça sentait pas le. Ça sentait le feu de bois, là. Ça sentait comme un feu de foyer. Mais ce qui se passe dans les grands centres, puis dans certains coins proches des grands centres, c'est pas la fumée de site, ça, je suis sûr, à 100%. Ça a servi de prétexte. Si ça s'y sert de ça comme couverture, puis ils ont envoyé d'autres choses. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ça marche pas. Mais il n'y a pas un média qui va. Je veux dire, c'est des milliers là, de témoignages de monde qui disent que ça sentait le plastique brûlé à Montréal. Comme je t'ai dit, ma tante à Toronto, elle a dit ça sentait le caoutchouc brûlé. Mais là, c'est parce que ça fonctionne pas, là. Ça marche pas. Pourquoi que c'est tout d'un coup rendu là? Ça. Puis pourquoi c'est comme Toronto, Montréal, New York? Tu sais, ça s'en va là. Puis entre, il n'y a pas nécessairement de. Puis non, les médias sont réellement là pour pousser. Mais il y a quelque chose de lié au militaire aussi là-dedans, Mais peut-être que probablement. l'hypothèse que je pourrais faire, parce que c'est des grands centres, c'est que c'est des lieux où il y a beaucoup de smog, lié au fait qu'il y a beaucoup de véhicules, puis aussi il y a beaucoup de béton. Or, le béton retient la chaleur. Fait que peut-être que ça crée un effet au niveau de l'endroit qui favorise ça. Ben, que ça se mettrait à sentir le plastique. Ouais. Ça peut expliquer en partie, mais pas tout. T'as raison. Fait que. Puis il y a les particules fines qu'il y a eu dans l'air au point de changer la lumière, là. Faut le faire. Non. Oh, c'est. Puis jamais qu'ils vont. Dans le fond, on est en guerre, ça va faire un bout de temps. Dans le sens, on est en. Tu sais, je veux dire, tu as eu la Deuxième Guerre mondiale qui n'a jamais fini, qui est devenue la guerre froide. Puis après la guerre froide, après la chute de l'Union soviétique, c'est devenu un petit peu une nouvelle forme de guerre plus subtile encore. Mais moi, je le vois que c'est lié carrément à une guerre. Mais tant qu'à moi, depuis quelques années, s'il y a du théâtre, parce qu'à mes yeux, il y a un gouvernement transnational qui gouverne, qui est lié à de la finance internationale. Puis à mes yeux, la guerre est contre la population. C'est pas entre des États, là. Puis, à mes yeux, c'est des opérations militaires. Puis, ce gouvernement transnational-là, il est une espèce de fusion avec le corporatif. De la même façon que le militaro-industriel fusionnait avec le pharmaco-chimique. Puis, c'est tout lié, là. Parce que, de toute façon, c'est tous les mêmes financiers qui en arrière de tout. Puis, la guerre est vraiment contre. Mais c'est. Ça vient d'Occident, pareil, ce gouvernement transnational-là. La preuve, c'est que, de la façon que je le vois, c'est que c'est contre les populations occidentales en premier lieu. Mais ça va, comme ça gouverne toutes, puis que c'est partout, ça va finir. Les populations d'ailleurs aussi, là, ils vont se faire. Ils vont avoir des opérations comme ça à plus grande échelle. Mais. Non, non, il y a plein d'affaires qui font que, je veux dire, ça paraît, là. On Pour le celui voit. qui voit, on parlait tantôt de Ouais. l'importance de voir, les gens qui sont hypnotisés par les médias n'y voient que du feu derrière cet écran de fumée. Ouais, en même temps que, si tu vois un peu qu'il y a de quoi qui marche pas, tu vas avoir d'autres médias qui sont là pour te récupérer. Oui, des médias alternatifs qui vont Ouais. dire te sortir d'un rêve en t'éveillant, Ben, c'est ça. Ben, en ils viennent disant te qu'ils sont récupérer. éveillés pour t'endormir dans un autre rêve. Ben oui, parce que là, comme c'est là, je voyais qu'il y en a, ils ressortaient dans l'affaire d'adrénochrome. T'sais, que ça, qu'on le veuille ou pas, ça existe des théories du complot qui sont délirantes. Pis, mais c'est comme l'affaire d'adrénochrome, quand on sait d'où ça vient, puis comment c'est apparu, ces idées-là, puis tout. Je peux pas croire qu'en ce moment, on nous parle de ça, là. Peux-tu définir c'est quoi la dénochrome? L'adrénochrome, c'est une molécule qui agit un peu, dans le fond, c'est comme, faut l'extraire du sang, mais c'est lié aux glandes surrénales. C'est une drogue, dans le fond, mais ça peut être synthétisé en laboratoire. T'as pas besoin de... Dans le fond, c'est un journaliste américain lui, il avait écrit un livre, je sais pas si t'as vu le film Peur et dégoût à Las Vegas. Non. Bon, ben, ce film-là, il est basé sur un livre, puis le journaliste qui a écrit ce livre-là, c'est lui le premier qui a parlé d'adrénochrome. L'adrénochrome, ça serait en partie sécrété par les glandes surrénales, puis c'est dans le fond, ça se retrouve dans le sang, puis ça a un effet un peu comme de la coke, mais puissance 10, là. Puis bon, un problème à voir l'effet mélangé, comme un mélange entre de la coke, du LSD puis de l'héroïne. T'sais, la drogue. Mais il reste que lui, il a mis ça dans un livre, puis dans le fond, c'est une invention, parce que ce journaliste-là, c'est aussi l'inventeur de ce qu'on a appelé le journalisme gonzo. Le journalisme gonzo, c'est mélanger le journalisme puis de la fiction. Dans le fond, ça vient du divertissement. D'ailleurs, il me semble, dans le livre, son avocat, il s'appelle Maître Gonzo. En tout cas, il y a tout le temps des petits clins d'œil dans la main. L'adrénochrome, ça a été garoché dans le grand public de même, c'est devenu une sorte de mythe, mais l'adrénochrome, c'est une molécule qui existe réellement. Mais ça se synthétise en laboratoire, là. Tu peux en fabriquer en laboratoire, puis même elle va être de meilleure qualité que si tu l'extrais des glandes surrénales, là. Elle va coûter bien moins cher à produire parce que ce que tu synthétises en laboratoire, c'est un peu ce qu'on comparait l'effet du fentanyl puis de l'héroïne. Tu sais, le monde dans les villes qui ont légalisé les drogues puis qui sont dans le fond, le monde, ils veulent du fentanyl tellement que la drogue légale que le gouvernement leur donne, ils la revendent pour s'acheter du fentanyl. Ça a même affaire un peu l'adrénochrome qui synthétise en laboratoire, elle serait bien ben meilleure qualité que celle qui serait extraite du sang. Parce que là, il y a une mythologie populaire qui dit que les élites torturaient des enfants pour qu'il y ait de l'adrénaline dans le sang, puis là, qu'ils Récolterait sortiraient ça du ça. sang. Ouais. Ouais, puis souvent, c'est associé à la couleur rose. Mais de l'adrénochrome, j'en ai déjà vu, c'est pas rose. C'est bleu-violet. C'est comme mauve un peu, c'est couleur lavande. Puis tu peux en acheter des petites fioles, c'est assez cher, là, mais c'est des petites fioles. Mais c'est même pas illégal, là. Puis il y a des laboratoires qui en font. Puis la personne qui prend ça, elle a un buzz un peu comme de la cocaïne, là, elle Ben, vient je sais pas speeder. que ça fait. Ça, c'est ce que OK. dit la culture populaire. OK. Mais ben, franchement, je sais pas ce que ça fait, là. Mais c'est parce qu'il y en a, ils prennent ça un peu comme un tonique. Mais toute l'histoire, c'est parce qu'il y en a qui pensent que pour rester jeune éternellement, puis se rajeunir, puis se vivifier, puis tout, qu'ils prendraient de l'adrénochrome. L'adrénochrome, comme je te dis, la seule synthétisée en laboratoire a une meilleure qualité, chimiquement, puis techniquement, elle reviendrait bien moins cher. Mais j'ai jamais vu de cas que dans les gens qui achètent ça puis qui consomment ça, ils deviennent pas surhumains puis ils rajeunissent pas, là. Fait que il y en a du complotisme dans le sens des théories du complot que c'est délirant en tant qu'à moi. Puis ça, à mes yeux, ça sert à détourner l'attention. Parce que c'est vrai qu'il y en a du trafic humain, mais il est pas fait par des élites comme celles qu'on pense, dans le sens que l'adrénochrome, ça tourne autour des élites comme par exemple de Hollywood. Puis, tandis, c'est pas ces gens-là là, qui consomment du trafic humain, là. On voit ça bien plus par rapport à du monde haut placé dans la finance internationale, puis des industriels très haut placés. Puis, c'est eux autres, là. La Hollywood, c'est une opération qui sert à détourner l'attention. Ouais, ils font diversion, un peu comme des films qui nous divertissent de notre réalité, du quotidien, du réel. Ben oui. Fait que l'affaire d'Adrenochrome, puis, tu sais, je veux dire, il y en a rien quand même du trafic humain, puis oui, il y a du trafic d'organes, puis il y a toutes sortes d'affaires, mais l'affaire des usines à Adrenochrome, les places qui fabriquent l'Adrenochrome, c'est des laboratoires bien ordinaires, là. Il n'y a pas d'enfants dans des cages qui se font torturer, là. Mais, pareil, il y a des opérations, ce qu'on a appelé la guerre psychologique. C'est-à-dire que tu as Michael Aquino, que lui, il est un colonel de l'armée américaine, mais qui est aussi le fondateur du Temple de Seth. Que lui, c'est l'aspect. Lui, c'était la guerre psychologique au niveau du Pentagone, département de la guerre psychologique. Puis il y a une opération par rapport à des agences de renseignement comme la CIA, puis même des agences internes comme le FBI, d'avoir des agents qui répandent ces rumeurs-là. Parce que ça fait partie de la guerre psychologique. Fait que tu viens, tu sais plus quoi croire. Parce que t'as du monde qui témoigne, qui ont vu des laboratoires pour C'est l'adrénochrome. ça, c'est pour créer la confusion C'est ça. qui va drainer de l'énergie, qui va faire en sorte que les gens pourront pas mettre en échec ces opérations-là parce qu'ils sont confus. Ben oui, tandis que pendant ce temps-là, le vrai trafic humain, lui, il continue, là. Pendant que le monde s'imagine des affaires, des fois, que c'est des scénarios d'Hollywood, carrément. Ben, parlant de... T'avais... Oui. Oui? Mais parlant de scénario, j'étais curieux de t'entendre par rapport à ce qui s'est passé le 24 juin, pas la fête de la Saint-Jean des Québécois, mais en Russie, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une tentative de push qui aurait été commise par Prigogine, qui, dans le fond, est le responsable là, de l'armée. C'est une armée, là, il est juste un multimilliardaire, là, il y a une armée que ça s'appelle les troupes de Wagner, là. Puis il y aurait 25 000 soldats qui, selon les médias, auraient marché en direction de Moscou pour s'opposer au ministère de la Défense. Puis lui, dans le fond, il voulait comme renverser là, des dirigeants là, en Russie. Donc c'est ce qu'on nous a dit. Fait que toi, Ouais, qu'est-ce que mais t'en non. penses de ça? Ben, c'est du théâtre. C'en est ça, de la guerre d'information. Moi, j'ai jamais cru à ça, là. Poutine y a envoyé à peut-être 20% de ses effectifs disponibles en Ukraine. Puis là-dedans, t'as un petit groupe de mercenaires, que c'est Wagner, qui est peut-être, comme tu dis, 25 000 quelques soldats. Ils peuvent pas faire de coup d'État, là. Ils n'ont pas les effectifs ni la logistique nécessaire. Donc, moi, je vois ça comme du théâtre. C'est un peu comme un show. Puis, selon toi, est-ce que Prigogine a fait ça parce qu'en réalité, il est manipulé habilement par Poutine qui Non, sent... non. OK. Je pense qu'on était consentant à faire ce show-là. Donc, ce ne serait pas nécessairement un membre d'une opposition contrôlée, factice, orchestrée par Poutine pour chercher à voir c'est qui est loyal ou non dans ses rangs. Parce qu'il y a certains membres militaires qui se sont compromis parce qu'ils l'ont laissé circuler avec son groupe sur la rue. Il a avancé là, par rapport à... Il y avait entre Ben, 1000... peut-être aussi, là, tu peux faire d'une pierre deux coups. Mais il reste que c'est pas réaliste. Dans le sens que c'est un peu comme si c'est un peu comme si les cadets de la forêt décidaient d'aller marcher puis prendre le Pentagone, là. Ça marche pas, là. T'sais, c'est disproportionné. Fait que, t'sais, c'est sûr, je voyais, tout de suite, j'ai pas cru. J'ai dit, bon, c'est du théâtre. Puis là, je regardais les journalistes qui parlaient, oh, Poutine va peut-être se faire renverser. Puis tout, je me disais, ils sont donc bien épais. Soit ils ont reçu l'ordre de faire croire qu'ils y croient, soit qu'ils y croient. Mais dans tous les cas, c'était évident que ça n'allait pas durer longtemps, puis que c'était une opération de communication. Moi, je le vois comme ça. Ce serait quoi le but de cette opération, de faire croire qu'il a failli y avoir un putsch au Kremlin? C'est comme tu disais pour la guerre de Sun Tzu, paraître faible quand t'es fort. Mais tu sais, c'est irréaliste. C'est comme si t'avais un petit groupe qui va se révolter contre la grosse machine. Puis, mais tu sais, je veux dire, c'est la main qui te nourrit. C'est eux autres qui décident de ce que t'as comme. Si t'es alimenté ou pas en matériel. Pour faire un coup d'État, il faut que tu sois un petit peu indépendant, que tu aies établi un réseau. Quand il y a un réel coup d'État, il vient pas d'un petit groupe de mercenaires, il va venir de l'intérieur de l'armée. Ah, mais c'est intéressant ce que tu parles, parce que là, moi, je serais curieux de t'entendre sur qu'est-ce qu'on nous a dit qui s'est passé à Cuba. C'est-à-dire le général Castro, avec un petit groupe d'individus, aurait pris le contrôle puis renversé Batista quand qu'on a initié la révolution. Bon, eux autres, ils ont été financés de l'extérieur, tant qu'à moi. Mais toi, est-ce que tu penses qu'à Cuba, un petit groupe comme ça aurait pris le contrôle de l'île, c'est quelque chose de réel ou c'est une fable fabriquée pour les médias occidentaux? Ben, ceux qui gouvernent réellement, quand ils décident qu'ils changent un régime, ils le changent. Donc, c'est un peu comme ce qui est arrivé en Chine, puis ce qui est arrivé. C'est gros, là, ces réseaux-là, ces affaires-là. C'est un peu comme dans les révolutionnaires communistes, dans le temps, c'était, je veux dire, c'était international. C'était énorme. Batista, ceux qui étaient ses commanditaires, ils l'ont laissé. Ils ont décidé qu'ils le lâchaient. Mais, fait que finalement, bon, ça prenait, là, c'est la guerre froide, ça prenait le bloc de l'Est. Pour ça, il fallait que tu ailles quelque chose de proche des États-Unis pour montrer que la menace est réelle. Le mieux, c'était Cuba. C'est la meilleure place. C'était la meilleure place où créer un régime communiste qui serait un satellite un petit peu commandité par le bloc de l'Est pour que les Américains considèrent que la menace est proche. Là, après, t'as l'affaire de débarquement de la baie des cochons, la crise des missiles. Bon, mais t'sais, à mes yeux, ça a été voulu de même. Le Fidel Castro, dans le fond, il a bien plus servi aux États-Unis que. Les Américains ont besoin d'un ennemi. Qu'il soit intérieur ou extérieur, ou comme maintenant, c'est à les deux. Oui, puis le but de la fonction de cet ennemi-là, c'est quoi? Ben, il sert de justificatif. OK, pour faire du contrôle social, l'espionnage des citoyens, un peu comme les attentats du 11 septembre qui... Ben, il sert à justifier les budgets. Ouais, militaire, c'est sûr que ces Entre autres. militaires veulent rester au pouvoir, ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait des ennemis factices qui justifient leurs emplois. Le gouvernement américain, ils ont laissé eux-mêmes les gangsters prendre un certain contrôle aux États-Unis de certaines économies parallèles. Après, les Américains, quand il y avait beaucoup de gangsters, puis d'attaques à main armée, puis tout, là, ils ont créé l'FBI. Puis le FBI, il était lui-même lié à ça. Je veux dire, J. Edgar Hoover, il faisait des paris illégaux avec la mafia, là. C'est un joueur compulsif. Donc, même il aimait ça les courses de chiens, les courses de chevaux, mais c'est la mafia qui tenait ça, puis il était ami avec eux autres, puis il était vu souvent, il soupait avec des chefs de mafia. Pourtant, la FBI, ça avait été créé pour combattre le banditisme. Les Américains, là, c'est de même qu'ils marchent. C'est ça, Ordo ab Chao. Comme, ils ont créé la prohibition, puis c'est ça qui a créé le banditisme. Après, ils se sont servis du banditisme, ils ont créé le FBI. Mais c'est tout lié, là. C'est tout pareil. C'est des jeux de polarité, mais c'est comme de la lutte, là. Dans un sous-sol d'église. C'est C'est du de la show, mise ça. en scène, puis donc ce qui s'est passé le 24 juin dernier entre Prigogine qui il a fait des discours, puis là, il disait que c'était quoi qu'il disait? Ah oui, les troupes de Wagner ont été attaquées par les Russes, des gens sont morts, puis là, il parlait que le ministère de l'Intérieur, ça n'a pas de bon sens ce qu'il faisait, puis que... Ben, ça se peut qu'il y ait des petites purges internes. Mais je ne vais pas regarder ça plus que ça. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça aux nouvelles. Ah, il y a une mutinerie en Russie. Puis là, je regardais les journalistes. Ils avaient l'air tout heureux de ça. Fait que je me suis dit, ça doit être du terrain. Je n'ai pas analysé plus que ça. Parce que des affaires, ça m'intéresse plus ou moins. C'est juste que j'y ai pas cru. L'important, c'est pas de croire à d'autres choses que ce que je crois pas. C'est juste que j'y crois pas. Mais ce qui se passe vraiment, je le sais pas. Mais dans le fond, je me sens pas plus concerné que ça, là. Mais c'est intéressant de la regarder par rapport à des stratégies qui peuvent être utilisées, dans le sens que si, admettons, Poutine a laissé intentionnellement Prigogine aller pour voir qui était fidèle ou non parmi son armée, là, après ça, ça permet de ficher puis d'identifier les gens qui se sont fait prendre en photo avec lui pour que ces gens-là soient éliminés là, de leur poste là, ou mis en Moi, prison. Ouais. est-ce qu'ils sont un danger tant que ça? En tout cas, c'est clair que c'est une opération de communication, là, entre autres. Mais peut-être qu'il y avait eu une vraie mutinerie puis qu'ils ont récupéré ça. Mais je peux pas croire qu'ils sont assez stupides pour avoir pensé qu'ils feraient un coup d'État, là. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a parce qu'apparemment, sur le trajet entre le sud de la Russie où était Prigogine, bon, il y a à peu près 1 000 km et supposément, selon les médias, il serait rendu à 200 km environ avant le Kremlin, là, à Moscou. Ouais, je parle pas des tatas qui embarquent puis qui croient, je parle ceux qui ont mené ça. T'sais, Prigogine, je pense pas qu'il ait jamais cru qu'il allait renverser Poutine. Ben, il a peut-être voulu établir un rapport de pouvoir avec lui parce que ce qui est arrivé, c'est que le 24 juin, c'était quelques jours avant le Sur 1er juillet. il renégocie les salaires. C'est comme quand la CSN fait des grèves. C'est bien plus ça. Mais les médias nous disent c'est une mutinerie, puis là, wow, là, ça marche pas. C'est des moyens de pression au pire. On peut voir ça comme des moyens de pression parce qu'ils renégocient leur salaire. C'est des. Des mercenaires. C'est ça, c'est des Mais à la mercenaires. base, c'est que, je t'explique, en théorie, le 1er juillet, Poutine, en fait, c'est le ministère de l'Intérieur, a décrété que les mercenaires de Wagner, il faudrait qu'ils rejoignent les rangs de l'armée régulière ou qu'ils cessent leurs opérations. Là, lui, Prigogine, naturellement, il est milliardaire, il ne voulait pas perdre sa business, puis que les gens le rejoignent l'armée régulière, puis finalement, Wagner se désagrège. Ben, c'est sûr qu'un mercenaire, c'est tout le temps payé plus qu'un militaire régulier. Mais t'es mieux, je veux dire, c'est mieux ça que d'être mort. De toute façon, il profite peut-être d'une situation parce que Poutine, il a besoin d'eux autres. Ben oui, parce que dans le fond, vu que c'est pas des soldats réguliers, ce qui arrive, c'est que si des membres de la milice armée de Wagner meurent, ils sont pas comptabilisés dans les statistiques officielles de décès de soldats, car ils n'ont pas le statut de soldat. Bon, il n'y a pas juste ça, c'est que tu peux leur faire faire des opérations que. Un soldat normal ferait pas. Ouais, tu n'auras pas à les rapporter de la même façon. Puis c'est comme les Américains, la façon que leurs lois sont faites, ils vont jouer aussi des affaires de même. C'est-à-dire que, bon, t'as pas le droit, ils n'ont pas le droit de faire de la torture sur le territoire américain. C'est Fait qu'ils la ça, font mais ils peuvent en ailleurs. faire à Guantanamo, là, à Ouais. Cuba, entre autres, où ils ont une base militaire. Ou sinon, ce qui me faisait rire, c'était la CIA, avec les techniques renforcées, d'interrogatoire qu'ils ont utilisées, là, entre autres, en 2003, puis dans les années subséquentes, là, avec des gens qui ont dit comme étant des méchants terroristes. Comme les techniques, il y a un film, là, ça s'appelle The Report en anglais, là, que je trouve très intéressant, là, s'il y a des gens que ça intéresse ou ce que. Ça dure longtemps le film, mais ils font toute une enquête en lien avec ça, puis des cas, puis c'est un des cas. En fait, le rationnel derrière ça, c'est que si, par exemple, tu utilises des techniques renforcées d'interrogatoire, mais il n'y a pas de lésion corporelle, tu détruis pas des organes, etc., c'est pas de la torture. Donc, si tu fais une simulation de noyade, puis il n'y a pas de lésion physique, c'est pas de la torture. Ouais, ben là, ça dépend des conventions que tu as signées. Puis... C'est ça, c'est un matière d'interprétation, mais l'une des pires Ouais. atrocités que j'ai vues en termes d'humiliation, il y en a un, c'est qu'il mettait un tuyau dans l'anus du prisonnier, puis il mettait de l'eau, puis il poussait de l'eau là-dedans jusqu'à temps que l'eau sorte par la bouche. Ouais, c'est assez terrible. Mais ça montre aussi qu'ils sont... ils connaissent pas les techniques. Parce que le best, c'est. Tu le fais par la bouche, puis tu fais avaler un fil. Après, une fois que le fil il sort l'autre bord, tu n'as qu'à donner des petits coups sur le fil. Ça fait tellement mal aux visseurs que. Mais ça, c'est pas bon. Peut-être qu'ils n'ont pas étudié les techniques jusqu'à À ce des point-là. raffinements comme ça, là. C'est les Chinois qui faisaient ça avec des fils de soie. Mais bon, tu. Il reste qu'il y en a, ça va. L'être humain, il est bien créatif pour des affaires de même, là. Il y a des affaires, ça défie l'imagination, là. Mais tu sais, c'est parce que le fil de soie, il crée des lésions, lui. Ça coupe. Mais en passant, ça n'a pas retourné comme il pensait parce que il y a un cas d'une personne, il a connu des simulations de noyade à plusieurs reprises, puis le gars, il est mort. Ben oui, ben, tu peux avoir des viscères qui éclatent ou te noyer vraiment. Mais ça, la Gestapo, il faisait ça. Il y avait pendant l'occupation en France, il y avait des bains pour ça. Puis même les Japonais faisaient ça. Tu veux dire, toi, c'est vieux, ces affaires-là. Tout le monde fait ça. Là, c'est juste, on a poussé l'hypocrisie à dire, ben, c'est pas correct. Fait qu'on change, on joue avec les mots. Puis même les Américains, maintenant, ils ont passé une loi. Un employé du gouvernement ou de l'armée régulière n'avait pas le droit de. C'était plus que sur le territoire. Fait qu'il y avait des sous-traitants en Égypte, puis ils envoyaient du monde se faire torturer en Égypte. Ou bien, même il y a des cas, le monde a été interrogé dans des avions, que l'avion rendu à telle altitude, c'était plus le territoire américain. Mais c'est au-dessus des États-Unis pareil. Mais là, vu que. C'est un peu comme l'affaire des eaux internationales. T'as du monde que. Ils organisent des parties. Ils ont des gros. C'est pour ça que les milliardaires, ils aiment ça avoir des gros bateaux. Parce que tout ce qui est illégal dans les ports autour des États-Unis, une fois rendu à 30 km dans les eaux internationales, ben là, c'est légal. Tu te fais livrer la drogue puis les putains en haute mer. Puis là, tu fais des gros parties. Puis là, tout le monde qui est là, en plus, tout le monde est au courant. Tu leur dis, ben, à cette heure, tout est légal. On fait tout ce qu'on veut. Si les lois sont faites pour être contournées. Toujours. C'est ceux qui font les lois qui sont les criminels. Parce qu'ils vont toujours se créer un échappatoire. C'est comme là, il y a du monde, ils veulent se défendre par rapport à ce qu'il y a eu dans les dernières années, les mesures qu'il y a eu. En invoquant la Charte des droits et libertés. C'est qui a amené ça? La Charte des droits et libertés, entre autres, c'est des idées de Trudeau, Père, puis d'autres. Elle a été créée pour être contournable. C'est comme si tu fais une loi spéciale d'état d'urgence, ça compte plus, là. T'sais, je veux dire, c'est là que je trouve qu'on est naïf. Les lois sont faites par les criminels. Les vrais, là. Je mettrais pas nécessairement automatiquement une intention criminelle à travers les architectes des lois, là. C'est tout fait pour être contourné. Pas les législateurs techniques, mais je parle ceux qui étaient plus haut que ça un peu. Ils vont tout le temps se faire une porte de sortie pour eux autres parce que c'est de l'élitisme. C'est féodal, dans le fond. T'en as qui sont au-dessus des lois, techniquement. Les lois sont faites pour qu'ils savent comment. C'est comme la fiscalité. T'es pas obligé de payer d'impôts si tu sais comment avoir à en payer, puis ça sera pas illégal. C'est ça sera pas, comment dire, de la fraude, ça va être de l'évitement fiscal. Ben oui, fait que c'est toujours de jouer sur les mots. Dans le fond, c'est comme, admettons que tu veux être vraiment créatif. Ben, au moins, il faut comprendre le terrain. Dans le sens que t'es pas obligé d'être aussi pourri que ça, mais au moins savoir que ça existe, puis comment ça marche. Ben, ça peut être d'utiliser le système contre le système dans un sens. Je sais pas, parce que si tu utilises être contre le système, t'es c'est sûr, j'ai jamais vu du monde vraiment contre le système qui s'en sortait. Comment tu vas être contre le système? Si, souvent, il y a du monde qui sont contre le système, c'est des militants, de ci, pis de ça, puis ils s'en rendent pas compte, puis ils font partie d'un méta-système, puis ils le savent pas. Puis c'est ordo ab chaos, c'est voulu de même. Ouais, je comprends. Puis à ce moment-là, consciemment ou inconsciemment, sont récupérés par une forme d'opposition contrôlée. Moi, ben, la meilleure des oppositions contrôlées, c'est celle, il le sait pas. Parce qu'elle va bien jouer son rôle. Ça va être parce que c'est sincère. Puis ils vont aller jusqu'au bout de leur logique. C'est un peu. J'avais vu un affaire à un moment donné, c'est un bonhomme. Lui, puis c'est un milliardaire, sa femme, puis son amant, ils veulent tuer le bonhomme. Fait que là, il s'arrange pour qu'il n'aille un autre qui tombe en amour avec elle. Puis là, une fois que lui, ce gars-là, l'autre qui tombe en amour avec elle, elle le convainc de tuer son mari. Une fois que son mari s'est tué, là, ils font tout un stratagème que genre elle est inquiétée par la justice pour avoir des problèmes. Puis le gars qui est en amour avec elle, qui avait tué son mari, tout est fait que pour la sauver, elle, des conséquences, il se suicide. Puis ça finit que la bonne femme et son amant, dès le départ, qui ont monté tout ça, eux autres sont corrects. Puis ils sont débarrassés du mari en se servant d'un gars sincère qui a fait toute la sale job puis qui s'est supprimé après. Mais il reste que ça se tient parfaitement. Ben oui, ben un peu comme les gens qui sont naïfs puis ça sert là, qui les tireurs d'élite vont aller prêter main forte aux forces ukrainiennes. Ouais. Mais là, tu sais, c'est comme là-dessus, faut comprendre que là, dans une logique où ce qu'on crée des crises, là, les Américains, ils ont à tout prix. C'est eux autres qui font de l'argent, là. Puis le pire, c'est que la population américaine, elle se dégrade, elle. Mais ça, c'est comme un rideau, là. Ça, c'est des figurants. C'est les Américains qui font de l'argent. Ils ont besoin d'une guerre. Là, on se dit, ben, les Américains sont en train, ils ont provoqué leur propre catastrophe par l'endettement. Mais on ne se rend pas compte, c'est volontaire. Les Américains, ils s'y ont mis leur propre peuple dans la merde volontairement. Je parle de ce qu'il y a, bon. Puis finalement, là, on s'en va de plus en plus vers une certaine tension qui, inévitablement, un jour ou l'autre, on va être en état de guerre, là. Ben, écoute, ce jour-là se rapproche de plus en plus. Je veux dire, depuis le conflit entre l'Ukraine et la Russie, le 23 février 2022, et non pas 2023, donc ça fait presque un an et demi là, dans quelques jours, au moment où est faite cette capsule d'enregistrement. Ben, on est rendu à un stade où ce que Justin Trudeau a été fait une visite à son ami Zelensky pourrait dire, on va te donner 500 millions en plus du 8 milliards qu'on t'a déjà donné depuis le début de la guerre. Donc, c'est bord ouvert pour lui. Puis là, on lui donne des munitions. C'est marqué dans le journal, des Ben, c'est à ça que missiles, sert munitions. l'Ukraine. Le but, là, c'est que les munitions que possèdent les pays européens, puis Les autres membres de l'OTAN. moi, l'Ukraine en sert à brûler tout l'arsenal. Fait que tu es en train de créer du monde qu'il va falloir qu'ils en rachètent, puis il va falloir en fabriquer d'autres. Donc des C'est clients. aussi bon pour la Russie que pour les États-Unis. Ils vont en ressortir gagnants parce que c'est les plus grands marcheurs d'armes. Les Français, ils ont donné quasiment tout leur armement. L'Allemagne, ils donnent leur armement. Tout le monde donne son armement à l'Ukraine. Mais il va falloir le racheter. C'est la vieille logique de Fait que l'offre là, et de ça va l'offre. créer une demande. Si tous les pays doivent acheter d'équipement, ceux qui sont producteurs, ben ils vont pouvoir hausser les prix. Ben oui, c'est aussi bon pour la Russie que pour les États-Unis. Dans le fond, là, je parle pas le petit monde, là. Mais je la vois la logique là-dedans. Dans le fond, c'est très, très logique. C'est pour ça, pas longtemps avant que la Russie rentre en Ukraine, je me suis intéressé au marché des gaz. Puis là, pas longtemps avant qu'on rentre, donc ça faisait à peu près un an, là, je m'intéressais les systèmes de guidage d'avion. Parce que, qu'on le veuille ou pas, maintenant, ça va être les avions. Ben écoute, présentement, il y a des pilotes ukrainiens qui sont formés par les autorités américaines pour piloter des avions de chasse. Donc c'est Ben oui, juste une. parce qu'en plus, on donne des vieux avions. Fait que là, il va falloir en racheter d'autres. Il va Ben falloir en oui, après fabriquer les d'autres. chars d'assaut, les avions, les missiles, les batteries antimissiles Patriot qu'ont donné les Américains. Donc ça va amener un renouvellement des armes. Moi, j'ai l'impression que dans les prochaines années, l'innovation technique, entre autres, qui va s'être améliorée à vitesse grand V, ça va être les drones qui sont utilisés Ouais. massivement. Donc, on aura sans doute des drones plus développés, un peu comme quand on a sorti de la Deuxième Guerre mondiale, avec des chars d'assaut beaucoup plus développés qu'au moment où on s'y était entré, là. Ouais, ben, c'est comme les compagnies qui font les systèmes de guidage d'avion, ils s'en vont de plus en plus vers justement tout ce qui est lié aux drones. Puis là, des affaires liées avec, par exemple, des satellites. Fait que ces compagnies-là, moi, ce qui me surprend, c'est la plupart de ces compagnies-là, il n'y a pas moyen de savoir, dans le sens que tu peux pas investir là-dedans. OK. Parce que c'est tout privé. C'est des groupes fermés. Ils sont pas sur la bourse. Non. Ben, ils sont cotés en bourse, mais ils se changent ça juste entre eux autres. Je ne peux pas un particulier arriver et dire OK, je veux tant d'actions de telle compagnie. Même quand tu vas sur les sites qui donnent les cotages des affaires de bourse, ça, c'est voilé, là. Ces compagnies-là, quand tu tapes leur nom, ils ne disent pas tu peux pas savoir c'est quoi le prix des actions puis combien il y en a. Là, faut que tu t'abonnes à certains groupes. Il y a certains sites qui vont te donner l'info sur certaines compagnies. Là, faut que tu t'abonnes. Il y a des sites, c'est 2500 pièces par mois. Là, admettons que tu veux te servir de certaines affaires, il y a certaines places. Admettons que tu veux te servir des services de courtage, tu rentres pas là en bas de 50 000, là. Faut que tu mettes en partant 50 000 piastres si tu trouves un compte. Parce sans ça, eux autres, ils trouvent que t'es pas rentable. Ben non. Tu sais, c'est parce que comme si tu. Non, je comprends, c'est des peanuts en bas de 50 000 pour eux à leur échelle. C'est genre des millions ou des Ouais. milliards. C'est des miettes de biscuits. Puis là, ça te fait voir que c'est élitiste. Puis à ce moment-là, l'individu qui est pauvre ou de la classe moyenne ne peut pas s'en sortir parce que le système est fait qu'il n'a pas accès aux meilleurs outils de financement. Ben, ça fait rien, tu peux, si t'es créatif, puis que t'es. J'avais un ami, j'avais lui, c'était lui, dans le fond, qui m'a fait m'intéresser à ça. Lui, il disait, l'affaire la plus intéressante à observer dans ces affaires-là, c'est la crainte. Quand il y a de la crainte, il dit, c'est la crainte qui mène tout. C'est la crainte qui mène le monde, c'est la crainte qui mène la finance, c'est la crainte qui fait qu'une action elle monte ou elle baisse. C'est l'affaire là, qui c'est vraiment ça qui mène le monde, dans le fond. Puis si tu viens à bout de comprendre les mécaniques de la crainte, à un moment donné, ben tu finis que là, tu peux tranquillement, tu finis que tu le vois comment ça marche. Mais c'est d'observer la crainte sans la vivre. C'est-à-dire, pour comprendre la crainte, il ne faut pas que tu en aies. Mais il faut que tu l'observes tout le temps. Mais c'est la crainte de la population générale. Tout est basé là-dessus. Sur cette planète-là, c'est la crainte qui mène le monde. Parce que, dans le fond, on est des. Comment je pourrais dire ça? On n'est pas. C'est pas parce qu'on est rendu avec des machines perfectionnées qu'on est différent d'il y a 10-15 000 ans tant que ça. C'est encore ça qui mène le monde. Dans le temps, ce qui faisait que quelqu'un ne se faisait pas voler, souvent, c'était parce qu'il était craint. Puis. Tu sais, je veux dire, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a du monde qui suivent des lois parce que la plupart du monde, ils n'ont pas de conscience. S'ils vont suivre des lois, puis tout, c'est la crainte de se faire prendre. Oui, c'est ça, c'est la peur qui gouverne leur comportement, un peu comme un animal que c'est son instinct de survie. Ouais. Ben, l'animal, c'est vraiment la peur qui gouverne, mais l'être humain, c'est la crainte parce qu'il réfléchit. L'animal, il réfléchit pas. Lui, c'est vraiment la peur, puis. Dans le fond, là, la programmation, c'est toute une affaire, comme tu sais, l'affaire, comme on parlait en psychanalyse, les pulsions de vie, les pulsions de mort. Bon, si tu viens à bout de l'observer, ça, puis que tu n'es plus mené par le côté, tu sais, comme le Marquis de Sade lui dit, oh, le mal, c'est ce que j'aime pas, qui me fait du déplaisir, puis le bien, c'est le plaisir. Parce que c'était luciférien, dans le fond. Ça, c'est un animal. C'est un animal qui pense. C'est un stade animal. L'animalité est là. Cette polarité-là. Toute la programmation, elle va être basée sur ces polarités-là. C'est-à-dire, si tu agis parce que tu veux avoir du fun, tu vas t'es programmé. Si tu agis par peur de souffrir, t'es programmé. Fait qu'il va falloir. Faut aller vers plus que ça, là.

Puis il y a plein de civils qui souffrent, que ce soit les Russes ou les Ukrainiens, puis les gens de la population, en fait, qui s'endettent pour ça à un certain niveau. Pour moi, c'est tout ça, c'est absurde. On voit qu'on se dirige vers une forme de mur dans le sens que, je veux dire, des pays qui sont solidement endettés, là, que ce soit la France, le Canada, les États-Unis, à un moment donné, c'est juste à notre échelle, Justin Trudeau qui s'endette au-dessus de 8 milliards, puis et à un moment donné, je veux dire, il va avoir un contre-coup là, par rapport à ça, là. Ben, ce que le monde n'arrive pas à comprendre, c'est que c'est volontaire. Je dirais, il est là pour ça. Ils font tout exprès. Les Américains, ils sont en train de créer leur prochaine crise. C'est voulu. Donc, leur prochaine opportunité économique. Ben, c'est parce que à chaque fois, c'est ça qui s'est répété. Pas comme par exemple, tu as la crise des années 1890. Après, tu as t'as la guerre 14-18. Après, tu as un regain de l'économie, puis une période faste, les années 20, les années folles. Après, tu as encore une crise économique, les 1929, les années 30. Après, tu as la Deuxième Guerre mondiale. Après, tu as eu une période Les 30 glorieuses, qu'on a dit, les années 50, 60, Puis là, 70. après, ça recommence. Encore, je veux dire, c'est voulu, là. Mais, tu sais, c'est difficile d'expliquer au monde. Il y a des gens qui veulent ça. C'est tout planifié puis pensé pour être comme ça. Parce que des Ils vont gens que tout. tu vas leur dire ça, tu vas dire, ben écoute, t'es paranoïaque, là. Tu vois des complots Ben non. partout. Ben, c'est l'histoire. C'est ce qu'on appelle le physiocratisme. C'est une façon de voir qui est venue au monde en Angleterre, entre autres en Hollande puis en Suisse, que l'économie est comme un poumon qui respire, puis que l'argent, c'est comme le sang qui circule dans un corps. C'est ça le physiocratisme, ce qu'on appelait les physiocrates. C'est eux autres qui créent les crises. Puis c'est pour ça que, comme je te dis, à la fin du 19e siècle, tu as un essor industriel, après crise économique, après une guerre, après période de prospérité, après crise économique, après. Puis ça suit cette logique-là. Parce qu'ils ont une vision, c'est des païens, dans le fond, d'une certaine façon, parce que pour eux, c'est des lois naturelles. Ça a rapport avec les cycles de la nature. Ouais, la contraction, l'expansion, contraction comme le poumon qui se contracte lors de l'inspiration, puis après ça. Ben, ça existait déjà dans l'Antiquité, puis c'était basé sur les phases de la Lune. Mais d'ailleurs, moi, quand je regarde la bourse, je regarde tout le temps les phases de la Lune. Ben, il y Tu avait Daniel Ménard qui avait créé un système en lien avec le cycle lunaire d'investissement boursier. Pour les moments de rentrer sur la bourse puis faire des investissements. Par contre, par rapport à ça, à ma connaissance, il n'est pas venu multimillionnaire avec ça, là, t'sais, c'est pas Ouais. infaillible. Ben moi, si je m'intéresse aux phases de la Lune par rapport à la bourse, pas parce que j'y crois, c'est parce que je sais que des gens y croient. Nuance. Ouais, c'est pas. Je le sais que c'est comme la cabale. Tu sais, la cabale n'a pas une importance mystique pour moi, mais je le sais qu'il y a du monde à New York qui lise le Zohar, puis pour eux, puis c'est des grands financiers, puis Donc, c'est. autrement dit, si moi, par exemple, je m'intéresse à l'astrologie, parce que je sais que pour des gens de mon environnement, ils donnent tellement d'importance qu'à ça que c'est effectif. Donc, à ce moment-là, ça devient intelligent Ben, d'apporter une importance. parce que l'important, c'est pas de croire, c'est d'étudier la croyance puis de comprendre à quel point ça mène le monde. Puis ça régit les comportements d'individus. Ben oui, parce que c'est irrationnel. L'être humain, il est irrationnel. C'est ça les forces de l'irrationnel. Mais c'est agissant, c'est là. C'est ça qui mène vraiment le monde. Comme l'autre qui me dit, c'est la crainte qui mène tout. La crainte est liée, entre autres, à de la croyance. Parce que quand tu crains, ça veut dire que tu réfléchis ta peur, donc c'est pas réel. Donc, c'est l'imaginaire qui mène tout. Parce que quand tu es Ben dans un oui. état de crainte, tu es dans de l'imagination, tu es dans du virtuel. Puis aujourd'hui, l'extension de tout ça, on pourrait dire, c'est l'intelligence artificielle qui, de plus en plus, va mener tout pour se substituer à l'intelligence réelle de l'individu qui donne de plus en plus de pouvoir aux machines décisionnelles dans sa vie. Ben, j'ai l'impression que l'intelligence qu'on a n'est pas réelle. L'intelligence artificielle, elle vient substituer à cette intelligence-là qui n'est pas réelle. C'est une intelligence synthétique. Puis qu'après ça, ce qui va substituer peut-être à l'effondrement lié à l'intelligence artificielle-là, ça va être l'intelligence réelle. Mais peut-être faut qu'on passe à travers tout ça un peu comme un accouchement. Oui, puis la fin d'une civilisation. Donc peut-être qu'on soit dans un monde post-apocalyptique, un peu comme dans Terminator, où la technologie, ça va dérailler. Puis là, les gens sont obligés d'être réels par rapport à une technologie parce qu'ils pourront plus lui donner autant de confiance qu'avant. C'est sûr, ben, si on regarde la vieille science-fiction depuis 60 ans, souvent, comme ceux qui voyagent dans le temps, souvent ce qu'on nous montre, c'est il y a le présent, il y a un monde où ça va pas bien, après tu as une phase post-apocalyptique, puis tu as le paradis plus tard. Puis là, ils se promènent là-dedans. Puis c'est pas mal tout le temps ça. C'est un peu comme on voyait ça dans. Ben, il y a plein d'œuvres de science-fiction que c'est de même. Il y a tout le temps une phase sombre qui est dans un futur hypothétique, puis tu as un âge d'or plus loin, là, dans le futur, parce qu'il est arrivé des catastrophes. Puis... Ben, j'avais vu une série dans le temps, c'était pour Oui, les enfants en mais plus, c'était australien, il me semble, c'était ça, c'était de même. il y a beaucoup de films qui sont basés sur ce concept-là. Puis c'est comme, dans le fond, après les souffrances initiatiques, là, après ça, il y a le passage à un autre niveau, là. Ben, c'est la vieille doctrine des cycliques des âges. T'as un âge de fer, puis tu sais, fait que finalement, dans le fond, c'en est ça de la programmation. Possiblement qu'on va vivre ça collectivement parce que c'est programmé dans notre archétypalement, dans notre inconscience. Puis dans le fond, on s'en rend pas compte, mais collectivement, on est en train de. On va vivre des choses tout simplement parce qu'on n'est pas assez intelligent Pour ne pour pas pas les les vivre. vivre. Ben, c'est ça, ça devient à ça. Donc, autrement dit, les gens subissent, par exemple, un conflit entre la Russie et l'Ukraine parce qu'ils ne pourraient pas en être autrement, parce que c'est comme une mécanique, dans le fond, vicieuse, pernicieuse. Ben oui, ben là, il y a surtout le fait que le monde sont portés à croire. Vous savez, quand ça a commencé, ça, moi j'ai dit ça va durer, ça va s'éterniser, ça va durer des années. Ben, Mais aux ça a l'air. nouvelles, ils nous disaient que ça allait durer quelques semaines. C'est ça. Puis là, dans le fond, ça me fait rire parce qu'au moment où on fait cette capsule, on est à la fin du mois de juin, on nous avait dit, mais vous allez voir, là, au printemps, il va y avoir la contre-offensive, là, après qu'on ait donné du matériel militaire, là, les pays de l'OTAN. Puis la situation va se résorber, les Ukrainiens vont prendre le territoire qu'ils avaient perdu aux mains des Russes. C'est un petit Donc, effort à donner. l'Occident a tout intérêt de donner son vieux matériel à des incompétents pour le détruire, dans le fond, puis le perdre, parce que le but, c'est d'en fabriquer d'autres. C'est ça, tout en tirant profit de ces incompétents-là qui vont s'endetter pour l'acheter Ben. dans plusieurs cas, pour que éventuellement, ben, on puisse prendre possession de leurs ressources. Tu sais, que ce soit le blé ukrainien ou des lieux d'accès géostratégique en lien avec des ports. Ben. En même temps que se joue cette guerre-là, sont en train d'essayer d'amoindrir puis de nuire à l'agriculture dans tout le reste de l'Europe. Fait que, dans le fond, l'agriculture ukrainienne est comme planifiée pour être bien importante plus tard. Mais c'est pareil au Canada. Là, M. Trudeau, il va autoriser plus de pesticides sur les aliments. Mais il fait en même temps, ils font des lois, tu n'as pas le droit de mettre d'engrais sur ton gazon. C'est des affaires, c'est totalement illogique. Tu regardes ça, c'est totalement illogique. À moins que tu vois la logique de ses commanditaires et de ses patrons, puis là, tu vas voir la vraie logique de pourquoi ils font ça. Et à ce moment-là, tu deviens génial, c'est-à-dire que tu vois des liens que les autres ne voient pas, qui est le propre du génie, qui est capable de faire des relations qui passent au-dessus du regard du profane. Ouais, mais pourquoi le génie côtoie la folie? C'est parce qu'à un moment donné, tu regardes ça, puis c'est difficile psychologiquement. Bon, je trouve, je comprends. C'est plus important, ton gazon est plus important que ce que tu manges. Il y a Ouais, quelque chose amené comme ça, là-dedans. comme principe. Par contre, si tu regardes derrière ça, parce que les fertilisants, il y en avait beaucoup qui venaient de l'Ukraine ou de la Russie. En tout cas, il y avait un des deux pays qui était producteur. Puis là, à ce moment-là, si tu fais une guerre économique contre le pays, ben tu t'organises que, à quelque part, ces produits soient boycottés. Ouais, malgré que, comme je te dis, ils ont tout, t'sais, c'est bon autant pour les Américains que pour la Russie, puis même les grands, grands perdants là-dedans, c'est vraiment l'Europe. C'est pas la Russie ni les Américains. Non, ça Puis, c'est clair. C'est eux autres. c'est sûr que c'est plate pour les gens, que ce soit en France, en Allemagne, tout, eux autres ils ont écopé là, des problèmes d'alimentation, entre autres en énergie là, en Allemagne. Là, ouais. ben là, c'est incroyable comment en plus c'était prévisible, puis que c'est voulu. Puis comment que. C'est quoi dont j'avais vu dernièrement? Sur Ursula von der Leyen, je ne sais plus trop encore ce qu'elle a fait. Les Européens, j'arrive pas. Il faut vraiment qu'ils soient profondément conditionnés puis endormis. Parce que cette femme-là n'a pas été élue par personne. Je veux dire, là, ils viennent de passer au Parlement européen. Je pense qu'il y a un sixième insecte là, qui va être autorisé pour l'alimentation. Le futur de l'Europe, je veux dire, ils sont en train de préparer. Ça va être un cas de concentration à ciel ouvert. Ça n'a aucun sens. Où les gens vont être surveillés avec l'intelligence artificielle, Ben là. comme à Paris. Donc, ça se peut que ça se généralise. Puis, Nourri avec des insectes, puis. Même, ils ont de l'avance sur ici, je veux dire. Non, non, c'est comme notre. En tout cas, je regardais ça. C'est comme. Moi, c'est quand il a commencé à apparaître de la fumée en France. Puis là, je regardais ça aux nouvelles. Puis ça faisait même pas. Ça faisait pas longtemps là, qu'il y avait les feux. Puis même, c'était pas si pire que ça. Puis là, oh, c'est en train d'atteindre la France. Je regardais ça aux nouvelles. Tu vois, les fumées du Canada sont maintenant en France. Puis je regardais ça, je dis, je peux pas croire qu'ils osent faire ça. Ah, ils vont pousser l'audace très loin. Tu sais, moi, là, dans le consentement social, l'escalade, quand que tu demeures tout le temps critique puis t'embarques pas, c'est comme si tu te dis, ça se peut pas qu'ils vont aller là, mais ils vont, puis les gens gobent ça. Ben, c'est comme, surtout la France, c'est incroyable comment. C'est vraiment spécial, là, je veux dire. J'ai pas vu la même propagande par rapport à d'autres pays, mais là, la France, je ne sais pas comment ils ont produit ce fumé-là, mais ça vient pas du Canada. Vraiment, là. Au début, ils parlaient, ah, ça a maintenant atteint la France, Saint-Pierre et Miquelon. Ben oui, mais là, c'est à côté. Je veux dire, ça a beau appartenir à la France, dans le fond, ça fait pas mal, ben, quasiment partie du Canada. C'est pas loin d'ici, là. C'est ça, Mais mais il là, voulait donner une saveur dramatique. c'est ça, mais là, par après, oh, c'était rendu à Paris. Là, OK, la fumée a traversé toute l'Atlantique. Ben oui, des milliers de kilomètres. Ben oui, où est-ce qu'il y a des tempêtes, puis que il y a des tempêtes, il y a de la pluie. Je veux dire, l'Atlantique, c'est pas le Pacifique. Puis, oh non, la fumée est arrivée telle quelle à Paris. Puis dense, là. Plus dense qu'ici, que ici les feux. Je regardais ça, je me disais. Non, non, il y a quelque chose de militaire lié à l'OTAN là-dedans. Ben, Puis. on parlait, c'est sûr, de possibilités là, pour certaines personnes là, qu'il y ait une opération de géo-ingénierie à l'échelle internationale. Puis là, on teste la population pour voir à quel point ils vont, comment dire, laisser l'opération se dérouler sans protester. Ben, moi, je pense qu'au point où on est rendu, il ferait n'importe quoi, puis le monde. Ben, écoute, à quelques mois, disons avant la période qui a été dite de pandémie par l'OMS, qui a changé sa définition en 2009, donc avant, elle disait, ben, une pandémie, c'est en fonction du nombre de décès, ensuite, c'est devenu nombre de cas, puis là, ça justifiait des mesures comme, par exemple, on l'a vu, couvre-feu à 20 heures, j'en parle des fois encore aujourd'hui avec des gens, on dit, ah, on a vécu un couvre-feu, tu sais, on n'avait pas le droit de sortir dehors à partir de 8 heures le soir, sinon on pouvait avoir une amende de 1 500 $ avec des frais. afférents là, liés à ça. Tu sais, c'était très strict pendant une courte période. Ils ont créé un momentum par rapport à ça. Là, aujourd'hui, on est rendu où les cacas canadiens. C'est notre fête nationale dans quelques jours, mais j'ai quasiment honte, là, tu sais, tu regardes ça. On va donner des millions là, à l'Ukraine en armement. Quelques années, les gens au Canada, il y en aurait beaucoup qui n'auraient pas accepté ça. Ben oui, Puis on crée le ben c'est consentement ça. social. La prochaine étape, je te dis, c'est ma prédiction, j'espère qu'elle ne se réalisera pas, c'est que on va créer une acceptabilité sociale au fil des ans tellement grande par rapport à la guerre en Ukraine et en Russie qu'on va apprendre que, par exemple, des forces ukrainiennes vont s'en prendre à des civils dans le Donbass, vont attaquer des hôpitaux, la même chose qu'on reprochait aux forces russes. Puis ça sera documenté, ou des femmes qui se font violer, des enfants torturés, etc., Ouais, que... ils vont juste rendre officiel ce qui se fait. Ben, c'est ça, mais les gens vont dire « Ah, OK, ils font ça, comme l'on dit, OK, ils dépensent des milliards en armement pour l'Ukraine. C'est normal. Tu sais, ils sont tellement méchants qu'ils méritent juste ce qu'ils connaissent. Oh, ben, on se fait désensibiliser dans le » fond. Exactement. À un moment donné, j'avais discuté avec quelqu'un avant qu'il arrive la situation de guerre en Ukraine. Il m'a dit, comment ça que les gens avaient embarqué dans l'Allemagne nazie? Ça n'avait pas d'allure. Comment ça les gens ont été aussi aveugles? Là, j'ai dit, c'est la force de la propagande. Puis ce gars-là, j'aimerais ça y reparler aujourd'hui. Puis j'ai dit, probablement que des gens vont accepter des crimes similaires qui ont été Ben, tu commis sais, par le nazi, sur ben des Russes. souvent, Puis. le monde qui dit comment ça se fait que le monde a embarqué dans le nazisme, ben, ils ont embarqué dans tout ce qui est arrivé dernièrement. Ça veut dire que s'ils l'avaient vécu, ils auraient été eux-mêmes le bras dans les airs. Ben, c'est ça. Puis, en fait, t'as le salut nazi, puis Mais c'est il a pour ça qu'ils se ramené les posent la Juifs dans des question aussi. ghettos, puis... Moi, je ne me pose pas la question comment ça a été possible. C'est du monde pour qui, justement, ça serait possible qu'ils se posent la question. Fait que. Tu sais, comme là, ils ont annulé les feux d'artifice à Montréal. Mais c'est par rapport aux feux de forêt. Mais il me semble que ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, Bien, ça fait tout le monde partie de accepte ça. l'opération psychologique. Ben oui. T'empêches des gens un peu partout aussi au Québec d'aller dans des pourvoiries en nature, même dans des lieux qui n'ont pas rapport au feu, en disant « Ben Ah, non. c'est à cause de la menace des feux. » Mais là, ils ont fait faire faillite à tellement de restaurateurs pendant la pandémie. Là, ils sont en train de faire faillite à tous les gens que c'est leur seul temps dans l'année, là, qui peuvent faire leur argent. Les gens qui ont les pourvoiries, puis ils font exprès. La crise économique est voulue, puis ils font tout pour l'avoir. Je veux dire, il y a moyen d'avoir une pourvoirie sans mettre le feu. Les feux de forêt qui sont partis, c'était pas des pourvoiries, là. Ça n'a rien à voir. Là, d'interdire les feux d'artifice à Montréal, là, en plus, c'est l'Auto-Québec, là, les feux l'Auto-Québec. Il n'y a aucune logique là-dedans, là, c'est n'importe quoi. Mais ils vont maintenir une stratégie de tension constante. C'est qu'on comprenne que l'heure est grave, puis d'être conditionné à obéir au doigt et à l'œil, même si ça n'a aucune logique. C'est être docile et obéissant. Mais ça m'indique qu'ils préparent de quoi peut-être pour l'automne. Parce que, tu sais, le conditionnement, il est là. C'est ça. Puis, c'est tout le temps la peur, puis la crainte, puis nous maintenir dans de la crainte, dans le sens que c'est de la pollution, ça en est de la programmation. Ils te mettent dans des idées dans la tête, puis après, par toi-même, j'en vois du monde. Je voyais du monde avec des masques bleus encore de temps en temps, mais là, ils se promènent avec des N95 dans la rue. Je n'avais pas vu encore, mais là, il y en a. Ben oui, on leur dit dans les médias qu'ils sont menacés par la fumée. Puis c'est sûr, il y a un narratif par rapport à ça qui hypnotise le collectif présentement. Et puis, il va falloir que je te laisse bientôt. Moi aussi. Donc. Mais je regardais ça, je me suis promené autour, puis quand il y a eu le plus de fumée, puis j'ai pas trouvé d'oiseaux morts. Si on amenait des canaris dans les mines anciennement, c'était parce que justement, quand c'est nocif, on le voit tout de suite, les plus petits oiseaux, ils meurent tout de suite. Mais j'ai pas trouvé d'oiseaux morts, je veux dire. Puis il y a déjà eu par le passé des déversements dans l'air toxiques. Comme à Bhopal, puis là, il y avait des centaines de petits oiseaux morts. J'ai trouvé aucun oiseau mort nulle part. Le monde, ils ont des N95 dans la face. Si les poumons des plus petits oiseaux ici sont capables de le prendre, c'est pas. En tout cas, il n'y a pas de quoi. Bon, ben, moi aussi, il va falloir que j'arrête. Oui, en terminant, ben, je veux rappeler aux gens qui ont apprécié cet enregistrement que vous pouvez avoir accès à un peu plus de 680 enregistrements que j'ai produits au fil du temps dans mon audiothèque sur archive.org. Donc, après ces un peu plus de 3 heures et demie d'entrevue, vous en voulez encore plus, ben, vous en avez encore pour plusieurs heures, là, je dirais plusieurs centaines d'heures. De matériel qui est disponible. Par rapport à Bertolt que vous venez d'entendre, ça fait près de 5 ans que je fais des enregistrements avec lui, fait qu'il y en a vraiment là, pour une longue période de temps. Donc, si vous appréciez mes activités de diffusion web que je maintiens avec constance au fil des ans, eh bien, vous êtes toujours les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés, que sont Interac et également PayPal, dont vous avoir les enregistrements en bas, vous avoir les informations, pardon, en bas de cet enregistrement. C'est sûr que, comme à l'habitude, je remercie tous les gens là, qui m'ont apporté leur soutien financier. C'est sûr que, bon, là, présentement, j'ai un enfant, j'ai une petite fille depuis quelques mois. Là, c'est sûr que j'ai des besoins là, financiers un petit peu plus grands. Donc, à ce moment-là, c'est encore plus apprécié là, compte tenu du contexte. La raison pour laquelle je demande des contributions financières, c'est que, dans le fond, j'ai décidé que je rendais disponible gratuitement ces enregistrements au lieu des ventes, puis c'est à la discrétion de chacun de donner ou pas là, selon leur intérêt, leurs moyens, et ainsi de suite. Sinon, par rapport à toi, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ben non. Bon, ben excellent. Fait qu'écoute, merci encore une fois pour le temps que tu m'as permis de bénéficier dans le cadre de cet enregistrement de ton intelligence et ta capacité de voir aussi les événements. C'est toujours intéressant, là, naturellement, de discuter avec toi là, pour aborder une variété de sujets qui nous permet de voir qu'est-ce qui est au programme au niveau collectif, mais aussi individuel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aborde les deux paliers, là. Ben oui, un dans l'autre, fait que. Oui, bien, tout est interrelié. C'est sûr que des fois, ce que je critique par rapport aux gens qui sont interviewés dans les médias, c'est sûr qu'ils ont une vision sociologique ou psychologique, mais ils n'ont pas une vision psychosociologique ou une vision globale, englobante, pour englober le tout, là, pour avoir une méta-compréhension du réel. Ils sont juste comme fragmentés dans un secteur, mais ça manque d'une compréhension multidimensionnelle. Donc, sur ces considérations, je te laisse bien entendu, je salue tout le monde là, qui nous écoute au fil du temps, là, que ce soit, il y a Marie-Jeanne qui nous écoute régulièrement. Il y a aussi des fois l'oiseau moqueur, il y a le gars qui s'occupe d'oser changer, Fergus, Moda, puis tous les autres aussi. Je vous salue chaleureusement là, du Québec. Donc, à bientôt, Berthold. Bon ben, au revoir.